Avant-dernier jour de la semaine. Mais on t'entend mal. Ah oui, mais je me suis fait une Corse. Ouais, c'est ça. Le Corse qui n'est pas là, il est coincé dans les embouteillages. Mytho, il est en train de se boire une bière. Là. Non, mais soi-disant, il y a le. Enfin, c'est pas soi-disant, ça c'est vrai. Pour le coup, il y a le président chinois qui est là. Donc, du coup, apparemment, toute la ville est bloquée. Genre. Ce matin, j'ai vu des policiers. Oui, bah, un petit peu comme tous les matins. Hein. Enfin, non, mais il y avait beaucoup de policiers vers l'Assemblée nationale. C'est pas vrai, je les ai pas vus parce que j'étais à 4h du matin, il n'y avait personne. Ah bah oui, d'accord. il me semblait bien, ouais. Bon bref, tout ça pour dire que, qu'au final, bah voilà, si vous avez passé une bonne journée, en fait tout simplement, hein, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah ça va, c'était cool. Ouais, une journée sympathique, écoute, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des émissions, plutôt sympa. Ouais, ouais, bah c'est bien aussi, hein. Et voilà, on d'accord, a rencontré okay. des gens intéressants également. Et bah écoute. Non, tu mens, on était là avec toutes les mêmes gueules qu'on voit toute la semaine. Et voilà. J'essaye de rendre ma vie un peu plus. Ouais, c'est parce que. Hey, intéressante. C'est comme les auditeurs, ils sont persuadés qu'on est là, machin, strassé, paillettes, etc. Non, on voit des moches comme vous, ils sont là. Ouais, voilà, il y a des moments où ça nous arrive aussi de se faire chier, de boire un café tout seul. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, d'être là. Non, moi je suis avec Polo, moi, tu penses. Ah bah oui, t'inquiète pas. Moi, j'y vais surtout parce que c'est lui qui paye. Hein, il est où, Polo? Là, il est. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti bouffer avec Toff ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ça va? Qu'est-ce que tu fous là debout à moitié sur le dossier là, de la chaise? J'en ai marre de ces gros chaises. Tu vas la casser, mon malade. Tu vas la payer. Émilie, elle a ma chaise que j'ai ramenée hier. Ah, je vais te la filer, t'inquiète. Voilà. C'est pas ta chaise, mec. C'est ma marque écrite dessus. Va te faire foutre un peu là. Merci, Mika. Merci, Mika. Tu l'as payé la gueule, toi aussi. Non, mais je l'ai ramenée à la force de ma sueur. Calme-toi avec ta coiffure à 2 francs. Genre, il l'a ramenée avec la force de sa sueur. Parce que la sueur c'est est une méchant, force, c'est connu ça. Je peux partir. Bon, ouais, donc Mika va bien. Donc le Corse n'est pas là puisqu'il est en retard. Ouais, à mon avis, va très bien. Eh, on en profitera pas pour lui demander qu'il l'amène à bouffer. Je lui dirai, j'ai mangé il y a pas longtemps. Ah, putain, c'est pas con ça. Ah, c'est frais. Il peut pas passer chez McDo? Oh. Il peut pas ramener de la bière devant lui, j'ai soif. Non, c'est le vendredi ça seulement. Ouais, c'est ça, le vendredi tu peux, ouais. Tu rigoles, c'est fond bois ici. Je pense que Fredo il me prend la bouteille, il me la casse sur la tronche. On se. Oh bah ça, elle passera ses nerfs. Il y a Kevin qui est là également ce soir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. Il y a Ami aussi, il y a Johan, Sandra, Barbara, il y a Alexandra aussi qui est connectée comme tous les soirs. Il y a Lionel, Mallory, Maud, Gwendoline et puis bien sûr Elisabeth. Ça y est, elle a trouvé comment fonctionnait Facebook apparemment. Elle est dessus, hein. C'est Elisabeth Babygoop maintenant dessus. Elle est bien dessus, hein, elle a pas changé sa photo de profil ou elle a changé sa photo? Non, elle a pas changé sa photo de profil, non. Mais et par contre, elle écrit bien en grand, majuscule. Tout ça, on est sûr de bien la voir, hein, donc voilà. Donc notre amie Elisabeth qui est dessus. Ami. Oui, oh, c'est parce que j'avais écrit autant. Apparemment, c'est pas. J'ai dit Johan, c'est Johan apparemment. Oui, bah écoute, en même temps, c'est écrit avec un J, t'as une chance sur deux, hein. Ouais. Voilà. Ah bah c'est ça. Voilà, Johan donc qui est dessus. C'est joli comme prénom, Johan en plus. Tiens, il y a Sylph le Bayon qui dit Mika il est énervé. Non, t'as l'air énervé, non? Ah, je suis pas énervé du tout. Vous avez tous insulté pour pas un franc quand même. Non, hein, mais c'était une vanne, c'est de l'humour. Non, j'ai dormi une heure cette nuit. Et, ah bah t'as bien de la chance. Voilà, mais il j'ai a passé. Fait, une il, bonne... a fait il a fait kékette. Il a fait kékette. J'ai pas fait kékette, j'étais. Pendant combien d'heures? J'ai fait l'amour. Toute la nuit, je crois, jusqu'à 6h du matin. Ouais, juste avant de venir. Mais vraiment, en fait, j'ai dormi 3 quarts d'heure, 1 heure avant de venir. Bah, il est arrivé, il sentait matinale. Encore le sexe. Hein. Oh. Ouais. Tu sais, comme les actrices de cul, les actrices et acteurs de cul. C'est vrai qu'on en a reçu une. On en a reçu une, et c'est vrai qu'elle. Je sais pas si elle venait d'un tournage ou quoi, mais elle en avait plein la bouche. Hein. Elle venait de sucer les mecs qui étaient derrière la vitre. Non, mais là, ça sentait pas la rose, quoi. Hein, ça, mais Mika, il est quand même arrivé en calbar, quoi. Ouais, je suis arrivé en calbar. Et il avait une capote sur la tête, je lui dis Mika, putain, on est là quand même. Il s'en avait plus. Non, j'en avais une au bout de la capote. Quelle horreur. Oh, tu sais, la capote qui colle au tibia, là. Ouais, ouais. Tu sais, sans le mollet, tu fais kiff ce truc froid. Le truc dégueu. Ah, ça t'est arrivé, hein. J'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Voilà. Ça avait déjà arrivé d'avoir pas perdu. Tu peux pas mettre tes cheveux en arrière? De dire c'est où et en fait c'était dans ton lit. C'est et horrible ça. Ça y est, il faut que ça balance les bonbons de partout maintenant. Je sais même pas d'où ils sortent là. Bon, ce soir, bonne nouvelle, il y a du foot. Je suis mal gonflé. L'Europa League avec le PSG qui joue. Bon, on va pas suivre tous les matchs non plus. Il y a le PSG qui joue. Il y a Anderlecht à la Belgique, forcément, on va suivre. Il y a Lille aussi qui joue. C'est un partout face à Levski Sofia. Il y a le Sporting Portugal qui joue aussi face à la Gantoise. C'est la Belgique aussi d'ailleurs. C'est la mi-temps et un partout. Et puis voilà, pour le reste, on vous donnera quelques résultats s'il se passe quelque chose d'exceptionnel, style un 7-0 comme hier par exemple avec Marseille. Voilà, ce soir on passera du son aussi. Il y aura Rihanna, il y aura Neon Trees, on passera également le son de Bruno Mars, on mettra également Alan Notkin, on passera Alan aussi Théo. Le son de non pas du tout de oh, Pink putain, et Black Eyed Peas. Ouais, j'ai regardé hier soir, et c'était très très dur. Hein. Benny B, Alan Théo et les Alliages, les G-Squad et toute la clique. Et non mais il y avait le dernier, j'ai vu juste un seul reportage quand il parlait de ça, c'était vers minuit et demi. Sur M6, c'était. Il y avait Alan Théo, Benny B, Quentin des Alliages. Ah oui, non, et Mano. Oh, Mano. Le retour de la vallée de Dana, là. Ah, non, là, dans les... non. Ah bon non, non, non, non. C'est pas une rediffusion, on apprend que l'un des membres d'Alliages fait des films de cul. Ouais, mais c'était pas une rediffusion, mais ils ont encore raconté les mêmes choses, quoi. C'est toujours pareil, hein. Parce que j'ai regardé qu'un quart d'heure. Déjà, c'est Laurent Boyer qui m'a fait très peur. Moi, c'est le mec d'Alliages, Brian. Il a eu une vie, mais. Oui, acteur de cul au States. Non, pas du tout. Ça, il a donc Alliage, descente aux enfers. Il dit bon, je m'y attendais parce que quand on a mis un pied dedans, je me suis dit prépare-toi déjà à la fin. Donc j'ai engrangé les sous et tout. Au final, comme tout le monde, vu qu'il avait 20 piges, il a tout flambé et tout. Et genre 4 ou 5 ans après la folie Alliage, descente aux enfers, donc dépression et tout. Oh. Sa maison brûle. Dans sa maison, il y avait sa mère, donc sa mère décède dans les flammes. Et il y avait tous les j'avais vu tous ces anciens trucs de gloire, genre ses disques d'or, toutes ses photos, tous ses souvenirs, etc. Mais tu vois, tout ça. Toute sa vie. C'est pas grave, je gagne baiser les disques d'or, quoi. Non, mais l'or, ça fond pas, ça fait 1200 degrés. Sa mère est morte, mais il a perdu tous ses souvenirs, toutes les photos qu'il avait avec sa mère, tous les trucs. Il a plus rien de sa vie d'avant, le mec. Tu sais que ça, c'est, je crois. Il est né à 35 ans, en fait. La pire chose, la pire chose qui puisse arriver dans un incendie. Moi, je crois que c'est ça que je prends, quasi en premier. Je prends bon les trucs qui coûtent cher genre Mac machin les merdes, mais c'est les photos. Parce que mec, imagine t'as plus aucune photo. Moi c'est tout ça, est dans le mec mon ordinateur. Ouais, mais pour les vieilles photos de quand t'étais bébé et tout. Hein, en général, j'essaye d'en faire des photos justement pour de les scanner pour les mettre tu sais pour les sauvegarder ça, c'est quoi. Bien, mais faut du temps hein, parce que non mais peine, après ça se fait petit à petit, tu vois, mais t'es pas obligé de tout mettre. Et après attends, encore pire, après quelqu'un lui a foutu l'œil à lui après donc accident de sa décès de sa mère et tout, donc au fond du seau, il prend la moto, accident, il a failli perdre sa jambe. Je te jure c'est pas une vanne, et du coup maintenant il fait de la rééducation, il est en train de rééduquer sa jambe. Non. Genre un an et demi. Non, je l'ai vu la dernière fois chez M sur les champs. C'est vrai? Ouais. Et comment il s'appelle ce mec? Brian. Non, Alan Théo c'est un autre. Alan Théo c'est. Non, Alan Théo il revient là. Il a fait un clip et à la limite du porno. Ah ouais? Ah oui, c'est terrible son clip. Il est tatoué de partout. Il bute la meuf là. Mais même. Il bute la meuf. Il est à poil et il bute une meuf dans un lit. Déjà, il arrive, il la démonte. Il la démonte, ouais. C'est-à-dire qu'il arrive, il se fout à poil, il lui dit même pas bonjour. Il a un cul d'enfer. Il la défonce. Et après, il est bien genre, foutu, il a je l'ai vu hier, c'est vrai qu'il est bien foutu encore. Enfin, il a 36 piges, mais ça va. Ce qui est horrible avec tous ces gens-là, c'est que tous, ils ont pété un plomb à un moment donné parce qu'ils pouvaient plus avoir une vie normale, sortir dans la rue, ils étaient tout le temps suivis, les pauvres, machin. On va les plaindre. Et non, mais à l'époque, c'est ce qui leur a fait péter un plomb, et la plupart, les groupes ont éclaté pour ça parce qu'ils bah, étaient. Ils étaient mais complètement c'est tout, ils ont plus une vie, c'est parce que c'est l'oseille. Non, mais l'oseille déjà, les boîtes de nuit, les meufs, la drogue et tout, mais d'avoir tout le temps des gens sur le dos, ils en pouvaient plus. Et au final, aujourd'hui, ils recherchent ça parce qu'ils essayent tous, ils autoproduisent leur single, ils ont fait des trucs d'enregistrement dans leur bah, chambre. Ils essayent de revenir, bien sûr. C'est ouais. Tellement triste. Mais c'est un peu pareil, mais c'est différent, mais pour les mecs des séries B. Tel que José ou encore Bénédicte. Bon là ils reviennent. J'adore quand il fait des phrases genre tel que José ou encore Bénédicte. Monsieur fut également mais Aristide. Aristide d'ailleurs, vous rappelez, c'était le fiancé d'Annette. Ben figure-toi qu'il est mec de la sécurité au Bon Marché. Ouais. Et je l'avais croisé, j'ai dit c'est pas possible Aristide, il m'a dit oui, c'est bien moi, tu vois, j'ai mal fini, je dis ah, oui, c'est clair. Et moi j'ai vu un mec de Hélène et les garçons qui faisait la sécurité à Bercy. C'était lequel? C'était le fiancé de Lali qui avait le sida, qui était pilote d'hélicoptère. Oh bah sympa, il était beau gosse, Étienne. Bah figure-toi qu'il est mannequin. Il a fait la pub d'Elsev, ouais. Ouais, et il est mannequin également pour Ralph Lauren. Ah ouais. Et j'étais allée à un espèce de showcase de la marque et il défilait. Et j'ai dit, Étienne, prends-la bien. Mm-hmm. Tiens-le bien donc. Ouais, on va non, prends-la comme bien ça, parce ouais. que je parle de. Je sais plus quoi faire. De ma bite. Oh, t'es oh. vulgaire, je trouve. Que autant, ouais, là, je trouve, ouais, ouais, effectivement, de plus en mais plus. Mais c'était ouais. pour faire mon intéressante, mais je vais arrêter. Ça, ouais. Ouais. Ah, mais ouais. je me dis, ça doit être l'horreur. Les mecs, ils étaient adulés et tout, et du jour au lendemain, Alan Théo, il faisait trop de la peine. Il dit, bon, déjà, il habitait dans un petit appart. 30 mètres carrés. Et tout, ouais. Non, mais 30 mètres carrés, tu sais, c'est une espèce de une toute petite maison, là. C'était trop mal agencé avec son studio d'enregistrement qui lui prenait toute la place. Et puis sa mère qui arrive, c'est moi, j'avais pas vu, c'est moi, j'étais en train de regarder autre chose sur internet, puis je la vois, je dis, oh merde, c'est sa meuf, elle est dure. Ah ouais, heureusement c'est sa mère. Et il se balade dans la rue et il dit voilà, aujourd'hui plus personne ne me reconnaît, c'est une vie totalement, mais ça se voit qu'il est ouais, fané. Il travaille quoi. À la banque. C'est une vie totalement différente. Il travaille à la banque. Et tu te, ouais, et tu te dis c'est fou le c'est mec. C'est ça le plus dur, c'est quand tu t'avances rien, mais... super vite et que la chute elle est aussi rapide que. Ah bah la chute après elle est violente, hein, ça c'est évident. Hein, mais comme Benny B, Benny B le vivait bien parce que. T'entends pas, mais c'est dingue, comment est-ce possible que vous ne vous entendez, ça mais vous pourquoi choque pas? Pourquoi il s'est fermé en fait mon micro là, il était ouvert depuis tout à l'heure? Non mais je sais pas, mais moi c'est ce qui, c'est comme avec le Corse, et Toff avait ça aussi avant, c'est que le mec il parle dans le micro, mais il parle, mais il s'entend pas, mais ça le perturbe pas, il se dit pas, oh merde, le micro est éteint. Non, mais parce qu'on n'entend pas, moi je te jure, je capte pas. Non enfin, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a deux secondes mon micro était ouvert, donc. Non mais ça d'accord. Il y a un esprit dans ce putain de studio. Ça je dis pas. Après oui, c'est vrai que je dis pourquoi. Je suis obligé de dire ce qui m'est arrivé ce matin. Non, c'est vas-y. Dans le métro, putain de sa mère, j'ai un trop fantôme. Peur. Non, mais je t'ai raconté, mec. Bon, bah, garde, on va en parler dans un instant. N'oublie pas, note-le, hein. Et moi, ce qui m'est arrivé, j'ai oublié. Je peux pas ne pas l'oublier, c'est, bon, bah, très bien. Bon, bah, parfait. On fait ça dans un instant, on écoute Rihanna maintenant, et puis on parlera d'un presque accident d'avion. Ah, j'ai pensé à toi. Bah, ouais, putain, bah. Un NAT 380. En plus, ouais, t'imagines, c'est le premier. Ça aurait été le premier. Bon, heureusement, il s'est pas écrasé, hein, mais c'est le premier où il y a un gros problème. Il y a déjà eu quelques bugs, mais là, c'est plus un plus gros problème. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que seulement la France et l'Angleterre continuent à faire voler ces avions. Alors que dans le reste du monde, on a décidé de stopper. Mais on va en parler dans un instant. Mais il y a pas de quoi. C'est pas ça. Non, mais il y a pas de quoi non plus enflammer, quoi. Oui, c'est rien. C'est un avion. Oui, mais bon, c'est quand même. Pourquoi bon, on va en parler. Vas-y. Bah voilà, on va en parler dans un instant. Mais Rihanna. Oh là, le Corse vient d'arriver. Ça y est. Le Corse. Eh ben, il était dingue donc. Non, mais installe-toi là, tu vas. Ce sera déduit de ton salaire, mec. Je te préviens direct. Ouais, je sais. Mais bon, le chinois, franchement, il fait chier. Je vous le dis. T'étais mangé chinois? Non, le président là qui débarque avec sa troupe de merde là et qui. Oh, ça y est. Alors, enfin, mais Théma, il est debout et avec un micro, on dirait qu'il fait un one man. Non, ouais, c'est ça. C'est le Corsica show. Stand up. Ouais. Bon, allez, vas-y, fais péter Rihanna maintenant avec Only Girl in the World et on revient juste après. Le son de Rihanna avec Only Girl in the World sur Goom Radio tous les soirs entre 20h et 23h. Les messages que vous lâchez sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, ou alors vous appelez Vincent au 01 55 64 13 24 avec des places pour Soprano à gagner ce soir. Et puis donc on parlait de la 380, donc il y a pas de quoi non plus en faire un drame, hein. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça surréaliste le fait que Qantas, la compagnie australienne, ait cloué tous les A380 au sol sous prétexte qu'il y a eu un problème truc. Sur un moteur, et même les pilotes disent pas grave, c'est pas la première fois qu'on vole avec trois moteurs, voire deux moteurs sur les quatre, c'est oui, pas mais un souci vaut quoi. Mieux prévenir que guérir. Non mais d'accord, mais si tu dois clouer les avions dès qu'il y a le moindre problème. Une pièce qui a été distribuée dans pas combien d'avions, justement, A380, mais justement c'est pas le cas, parce que là si tu veux par exemple Air France a des a une version, donc c'est-à-dire que Qantas avait les Airbus A380 avec les moteurs Rolls-Royce. Donc c'est celui-là qui a pété. Les autres, notamment Air France, eux c'est des autres moteurs. Donc le problème vient pas de l'Airbus, il vient du motoriste en l'occurrence Rolls-Royce, puisque ça fait trois fois qu'il y a un problème avec un moteur Rolls-Royce. Et donc celui-là en l'occurrence, bon, j'admets que ça peut paraître un petit peu. Il y en a beaucoup des avions comme ça. Des A380 de non. Rolls-Royce Non, pas beaucoup, non, pas beaucoup, non, parce que c'était les tout premiers, qu'est-ce que j'allais dire. Et donc là, le moteur, en fait, l'arrière a explosé, donc du coup, il manque un bout de l'arrière. Mais c'est pas grave, tu vois, ils ont atterri, y a pas de mort, quoi. Ouais. Y a pas de souci, donc c'est. Mais ça aurait été plus grave si ça en était rendu compte au milieu du trajet. J'aurais pu quand même atterrir. Ah bah oui, avec trois moteurs, ça suffit amplement pour atterrir. C'est juste que t'as l'avion qui te part un peu sur le côté, mais ça tu corriges. Oui. Comme si t'as un pneu qui est un peu dégonflé, tu vois, tu prends ton volant et tu le tournes légèrement vers la gauche ou vers la droite pour aller tout droit. Bah, t'imagines la perte d'argent de pas faire décoller les avions pendant une journée. C'est pas décoller les avions, c'est décoller ces avions-là. Donc, oui, du ces coup, les passagers. Non mais ils peuvent mettre les passagers dans un autre avion, donc tu vois c'est pas. Ouais bon c'est juste... équitable. Non, c'est pas équitable, c'est toujours relou, parce que si tu veux c'est un avion qui fait plus de 500 personnes, donc pour peu qu'il y ait des vols qui soient pleins, ils doivent mettre deux avions. Ouais. Donc pour le coup effectivement là pour le coup on peut dire qu'il y a une perte, c'est clair. Ouais. Donc voilà, t'aurais dû prendre l'avion pour venir ici le Corse. Ah bah ouais. Ah ouais, je pense que. Non ton micro, je t'en supplie, c'est pas possible. Je pense que j'aurais fait plus vite. Mais t'étais en taxi ou en voiture? En voiture. Avec quelqu'un qui t'a accompagné? Ouais. Ah d'accord. Je suis parti, il était 6h30 du matin. Ouais, ce matin il est arrivé à 20h. Du 16e en plus, putain. Ouais. Non, t'étais où en fait? Ça a bloqué à quel moment? Je suis parti de là où j'habite. T'as mis où? Dans le 92. Et donc je suis obligé de passer par Paris et tout ça. Et je suis parti chez moi à 6h30, je suis arrivé ici. Heureusement, parce que si tu devais passer par Beauvais, mec. Ah bah la galère. Ah bah y a un problème pour y arriver, hein. Ouais, non, par Paris, je veux dire, je peux. T'imagines qu'ils ont bloqué tout ça pour une personne. Toujours qu'ils fassent l'explication. Ouais, c'est ça. C'est une vanne d'envie. Ouais, hop, là, tu passes à autre chose. Non, mais je voulais dire. En fait, quand je dis ça, je dis pas tout à fait que je devais passer par Paris. On avait compris, ouais. Donc, du coup, t'es arrivé en retard. Mais c'est pas grave. Et Pierre s'est bien fait fister de sa chaise. Alors, ça, c'est fait. Hein, parce que Mika, maintenant, l'a prise et il va pas te la rendre. Oh, et mec, là, et c'est même, mort. J'ai même pas envie de la reprendre. Du coup, elle est contaminée. Là. Enfoiré. Mais pourquoi tu vas pas chercher l'autre? Il y en a plein là. Mais oui, grave. Si, je vais chercher. J'attends une pause de Fredo. Une pause et je prends le siège président. présidentiel. Mais non, mais il, il prend tout le studio. C'est vrai qu'il a un grand siège. Il est trop grand. Il est, c'est vrai qu'il est un peu grand. Il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand. Et lui, beaucoup trop petit d'ailleurs pour le siège. L'autre fois, je l'ai pas vu dedans, Fredo. Vraiment. 9 fois sur 10, t'arrives, tu sais même pas s'il est là ou pas. Non, je pense que vous devriez arrêter là. Pourquoi? C'est vrai, il est trop grand son siège. C'est avéré. C'est comme la publicité comparative, tu peux pas en faire si c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, donc là pour le coup et là c'est vrai. On peut prouver hein, c'est pas un problème quoi. Donc voilà, donc du coup pour l'avion rien de grave. J'allais dire est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à bord d'avion, mais oui. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Mais voilà. Et donc c'était quoi ton problème que t'as eu ce matin là, putain, Mika? Putain, et c'est arrivé à, il faut le dire, à Francine ici de Goum, ça lui est arrivé la même chose il y a 2 jours dans le métro. Ce matin, tête dans le cul, je suis dans le métro et tout. Alors c'est pour ça, j'explique bien tête dans le cul. Je sais pas normalement ce qui s'est passé, j'en suis conscient, mais bon bref. Je marche et tu sais quand tu penses de quelque chose de quelqu'un, c'est-à-dire que tu mates quelqu'un, ouais. et tu je sais pas, tu penses à un truc, tu te dis elle est laide, je sais pas, elle est conne ou elle est grosse ou elle est mal fringuée. Et ben je marchais derrière une meuf et là je me dis putain mais qu'est-ce qu'elle est chum, elle est mal fringuée machin. Genre je marche sur 20 mètres comme ça, je me dis putain elle est dégueulasse. La meuf s'arrête. Véridique. Elle se retourne. Elle me dit je suis moche, je suis mal habillé, dégage, t'as vu ta gueule. Mais tu as dit fort. Non, je le pensais, sa putain mais de non. race. Écoute-moi bien. Femmes. Écoute-moi mais bien. Mais tu nous l'as pas dit. Mais bien sûr que je vous l'ai dit. Ah oui, on en a parlé. Oh bah oh oui, quand là même. Là. Écoute-moi bien, je me retourne, je me dis c'est une grosse vanne. Et une grosse vanne pas bien du tout, qui me fait chier de bon matin. Et la meuf pas du tout, elle me regarde, elle me bloque. Et là je m'aperçois et je la regarde, je fais non. Genre même pas vrai, flippé, je me casse ma race. La meuf derrière moi et tout. Je dis ça, donc je le mets sur Facebook et tout. France, j'arrive, elle me raconte, ça lui est arrivé il y a 2 jours dans le métro s'il te plaît. Donc genre elle était face à un mec et le truc était super serré dans le métro et genre elle pense au mec qui est en face d'elle, s'est dit putain trop beau gosse et tout machin, et elle voulait envoyer un texto à un pote pour lui dire le fait tout le temps dire style je suis devant un beau gosse, et là elle y pense mais elle le dit pas, et au bout d'un moment le mec il dit je lis dans votre pensée, tu sais, elle fait pardon, non je crois pas, non, et le mec il fait si ça m'étonnerait que ça soit le monsieur à côté de vous qui pense ça quoi. Donc là elle le regarde, elle fait machin. Et au bout d'un moment, il lui claque. Non, mais en tout cas, si vous lui envoyez le texto à votre ami, dites-lui que moi aussi, je vous ai trouvé très charmante. Non, mais c'est blague. Mais bien sûr, demandez. Vous êtes deux pigeons et vous êtes en train de vous raconter vous-même deux vannes. Mais je t'assure que. C'est une technique de drague. Mais c'est extraordinaire. Ouais, le mec, c'est une technique de drague, mais c'est magique pour le coup. Non, mais tu sais que. Oui, mais c'est fou, ça tombe. Non, mais exactement tu sais. À ce moment-là. Non, mais moi, je le fais souvent aussi. Tout le monde le fait d'envoyer putain de beau gosse à côté de moi, putain de belle gosse et tout. Donc le mec, s'il l'a déjà fait, peut-être qu'il s'est dit je le tente et voilà. Non. Bon, j'avais vu l'émission de l'étrange. Il y en a qui arrivent à lire dans nos pensées. C'est ouais, bien ils sont tous sur la ligne 9. Les mentalistes. Mais attends, je sais pas, moi, ce qui m'est arrivé après, je dis, j'étais tellement. Donc, dans Secret Story, c'est vrai. De quoi? Mais ça, tu connais pas The Mentalist? Tu regardes pas? Non, mais faut arrêter ces conneries. Mais tu sais que The Mentalist, c'est la série, c'est tiré d'une histoire vraie. Et la femme, Dubois, elle s'appelle, je me rappelle plus son prénom. Elle existe vraiment aux États-Unis, hein. C'est tiré de faits réels, c'est quoi, un truc Mika, de malade. Pour la meuf là qui s'est retournée au bout de 20 mètres quand tu l'as. T'as dû dire à voix haute, ouais. Je suis sûr que t'as dû dire un chum. Mais oui, au moins une fois. Mais comment j'aurais dit ça, mec? Sans te rendre compte, t'es là le matin, en plus il y a plein de bruit, tu te parles à toi-même et puis voilà. Moi je suis sûr que t'as dû balancer ça un petit jamais, chum. Ça t'arrive jamais de. Enfin, ou même vous, j'arrive jamais. Genre vous êtes chez vous et vous parlez à voix haute sans crier, mais à voix haute à vous-même quoi. Mais moi je l'ai déjà fait de parler à voix haute sans m'en rendre compte quoi. Mais non, alors, voilà, non, c'est genre, oh putain, faut que je fasse ça. Y'a personne, tu pourrais ne pas le dire, mais tu le dis. Ah bien sûr. Et du coup, tu t'en rends pas compte. Mais ça s'appelle les actes manqués aussi. Tu connais ça? C'est quoi ça? Non, mais c'est par exemple, tu fais des trucs. Mais tu t'en es pas du tout rendu compte, c'est-à-dire que t'as allumé par exemple ta machine à laver ou le feu sur les plaques, tu pars, tu fais autre chose et un quart d'heure après tu dis mais merde. Ouais. Et t'es seul et c'est toi qui l'a fait, mais tu t'en es pas souvenu. Moi, il y a déjà des trucs qui me sont arrivés, et ça par contre c'est plus flippant. C'est j'ai tellement l'habitude, enfin tellement je passe ma vie dans la voiture que il y a des moments où je suis sur la route et tu sais je suis là. Tu te dis où je suis là. Et non, je sais où je suis, mais et je me dis tiens, j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, j'en sais rien moi, depuis que j'ai vu la station service jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 20 bornes, et tu sais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai complètement oublié. Moi ça me fait ça aussi. Tu sais je suis là et je me dis tiens, je sais même pas si j'ai dépassé peut-être une voiture, un camion, Alzheimer. Non, mais moi je crois que c'est dans tes pensées beaucoup. Ouais, la fatigue, et puis parce que tu sais t'es en train de penser à un truc et au final tu regardes la route, tu penses à autre chose, parce que ça devient tellement automatique que t'oublies ou je sais pas, toi qui conduis beaucoup, tu prends des chemins par exemple, moi je sais que je prenais les chemins pour venir chez Goum de chez moi. Ben, j'allais toujours à mon ancien employeur, ouais. Ah oui, moi ça me le faisait aussi. Mais je m'en rendais pas compte. Mais comment j'ai atterri là? C'est-à-dire que de chez moi à là, je me souvenais pas du tout. Paumé, voilà. Ouais, je me suis paumé. Je suis où? Et moi, ça m'arrive dans le métro, ça. Des trucs instinctifs, tu le fais. Ouais, et après, pareil. Tu dis merde, pourquoi? Et ben, merde, je suis allé chez moi au lieu d'aller là. Très dur. C'est relou. Ah ouais, ça m'arrive pas de me tromper de moi, moi comme toi, l'absence de souvenirs et tout. Moi, j'en arrive même, mais je crois vraiment que c'est la fatigue. Des fois, je sais pas si j'ai rêvé un truc ou si ça s'est passé. Ça vous l'a jamais fait, ça? Ah oui, bien sûr. T'es arrivé. Alors, je me dis, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que ça s'est passé? C'est ce qu'on appelle le déjà vu. Le déjà vu. Le jour où je suis arrivée, j'ai smaqué Fredo et tout, je croyais qu'on était ensemble. Mais le déjà vu, ouais, où tu dis, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Ah, mais déjà ça, c'est ça, on m'a dit que c'était une vie que peut-être t'avais déjà faite. Ça, c'est quand t'as un décalage de cerveau, ouais. C'est quand en fait, tu fais un truc, le temps que ça monte à ton cerveau, ça prend. Ou quelqu'un est en train de parler, voilà, par exemple, là, vous parlez tous. Je vais dire, ah putain, ça, je l'ai déjà vécu, vous l'avez déjà dit. Mais c'est qu'en fait, le temps que vous le disiez, mon cerveau a eu un mini bug, mais genre d'un quart de seconde. Et le temps que ça monte à mon cerveau, j'ai l'impression t'as que j'ai vécu deux fois. Exactement la même chose. Ouais, et tout. C'est fou, hein. Mais alors qu'en fait, c'est naturel. Oui, mais tu te souviens pas l'avoir vécu. Non, mais la sensation aussi, bah si. Mais parce du que coup, tu l'entends et après façon, tu l'analyses. Tout ça, c'est politique. C'est à cause du président chinois, ça. Bien sûr, ouais, quel enculé celui-là, le chinois. Mais en revanche, quand tu fais ça, quand t'anticipes un dos et tu fais putain, mais ça, je l'ai déjà vécu. Et là, tu vas à ce moment-là, il va se passer ça. Moi, oui. Ça me le fait ça. Et il y a une réplique qui arrive. Ça, là, moi, ceux-là, oui. Ça, moi, là, tu non, peux pas anticiper. Ça, là, pour c'est, le coup, de, c'est du sixième sens. C'est pas pareil. Tu vois. Mais ça, moi, j'ai vachement ça de savoir ce qui va se passer à l'avance. Ah ouais, ça, tu as vu. C'est drôle, ça. Ah, voilà. Ça, c'était drôle. C'est ça. Pas tout le temps dans la vie, tu vois, mais plein de fois, j'ai des. Non, toi, tu ressens. Je pense que ouais, tu ressens ce que ressentent les personnes. Non mais même j'arrive à avoir des trucs comme il dit Pierre à la télé ou quoi, une réplique au mot exact de ce qu'il va dire. Bon ça après c'est de l'intuition mais moi je l'ai vu pour la soupe au chou, je l'avais vu juste 10 fois le film et à la fin je savais qu'il y avait une réplique. Non moi un truc de dingue, j'allais voir une sophrologue, c'est un genre de psy, et un jour je monte les escaliers, je prends pas l'ascenseur et je me retourne, j'avais l'impression d'être filmé par des caméras. Mais vraiment en mode Truman Show. Oui non, voilà. Je me dis putain, ça c'est de la schizophrénie. Non, non, non, mais écoute comme c'est fou. Je me retourne, j'ai putain, je pense à un reportage entre guillemets sur moi qui me filme chez ma sophrologue. Oh c'est du. Je rentre. Non mais attends, je rentre, je m'installe alors et tout. Elle me dit voilà Cécile, faut que je te parle de quelque chose. Jean-Luc Delarue m'a contacté pour un jour une histoire et j'aimerais bien que tu parles de ton cas sur la sophrologie. Est-ce que ça t'a fait de tes angoisses? C'est pas un truc de dingue. Alors que tu pensais un cadavre. Alors juste avant, je pensais qu'on me suivait dans ma vie. Alors où je suis à sophrologue ou ailleurs. Mais ça c'est des intuitions, ouais, des grosses intuitions. Le cadreur est passé dans le truc pour avoir un sujet. Non, il y avait personne dans les escaliers. Non, je sais qu'il y a personne, mais je suis sûr que peut-être une semaine avant, il y a cadreur et Jean-Luc Delarue qui s'est déplacé pour avoir le témoignage de Cécile Chousse. Mais non, parce que elle m'a sorti ça et je l'ai regardé. J'ai dit non, mais c'est une vanne. Je vais en montant les escaliers, je me sentais suivi par des caméras. Et là, t'as Patrick Sébastien qui arrive. Et là, il y a Flavie. Flamand qui est arrivé, star à domicile et il y avait Colin Farrell. C'est ça, ouais. Oh, bon, dites-nous si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation. C'est flippant. 01 55 64 13 24. On va mettre le match là de Paris qui joue ce soir au Parc des Princes d'ailleurs face à Dortmund, je crois. Enfin, je sais pas, c'est les Allemands. Mais attends, je vais vérifier maintenant. C'est où est-ce qu'il est le match? Je l'ai perdu le match. Il y a Porto qui joue aussi. Tiens, j'ai pas vu. Oh merci, PSG face à Borussia Dortmund. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il y a l'FC Porto aussi qui joue face à Besiktas. Et puis Lille hein, qui est toujours à un partout là pour l'instant. Les Lillois, c'est bien, qui joue ce soir face à Levski Sofia à Sofia. Donc un partout. Le Sporting Portugal un partout face à la Gantoise également. C'est la 67e minute de jeu. Et puis pour le reste rien hein. Donc on vous tient au jus. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge ce soir, il n'y a pas de problème. On va se mettre un petit peu de son maintenant. Neon Trees tout de suite avec Animal sur Gom Radio. C'était Neon Trees à l'instant sur Gom Radio avec Animal. Il y aura Bruno Mars aussi qui passera tout à l'heure. Et si vous avez envie de choisir des sons, vous nous demandez, on va dire ça comme ça hein. Vous envoyez tout simplement votre message à envoyer donc sur le groupe Facebook par exemple, ou alors donc facebook.com/mikaelofficiel, ou alors tout simplement sur sur le 01 55 64 13 24 tout simplement. Vous envoyez votre message au standard et il y a donc Vincent qui est là et qui décroche à vos appels. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore, plein de trucs ce soir dont j'ai oublié la moitié, mais c'est pas grave. Ah oui, ça y est, ils ont trouvé un truc, ça va peut-être intéresser le Corse ça, ce soir. Ah bon, c'est quoi? Ah oui, c'était à San Francisco. T'as déjà été à San Francisco? Non, jamais, je connais pas les States. J'ai trop envie de partir vivre là-bas. C'est top. putain, San Francisco, sais, ça déchire ça. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ah ouais, ouais, ouais, San Francisco, c'est la ouais. folie, ah bah surtout pour les gays. Hein. Enfin, pour le coup, vraiment, parce que c'est la ville gay, quoi, San Francisco. C'est pour ça que j'ai envie d'aller au niveau de la beauté de la ville. Ah non, mais c'est super beau. Ah ouais. Ah non mais t'as des rues, c'est un truc de ouf. C'est à dire que t'as des rues, elles sont, elles descendent et puis après boum, c'est tout droit. Mais c'est très, il y a que des quartiers gays ou il y a. Non, t'as un quartier gay en particulier, mais après t'as pas que ça non plus. Hein. Mais non, pour le coup, ça vaut vraiment. C'est à voir. Et puis le pont et tout ça, le Golden Gate, ça déchire. Ça, je pourrais pas, je pense, monter dessus. Si, tu l'as fait en voiture? Bah bien sûr, à voiture, à pied. Mais t'as pas le vertige? Non mais vertige de quoi? Non, mais pas, j'ai tellement vu des films tu où vois pas, le, tu vois pas trop, mais non. Le front s'écrase que j'ai peur. Ah oui, mais bon, bah sinon tu peux aller à Lisbonne, il y a le même. Ah ouais, non. Légèrement plus petit. Par contre, j'ai vu un pote là, il était à Abu Dhabi, l'espèce de putain de tour à Abu Dhabi qui est immensément grande. Non, c'est à Dubaï. À celle Dubaï, de, ouais. Celle de 800 mètres de haut. Oui, exact, elle c'est à déchire, Dubaï. Celle-là. Et il s'est pris en photo, mais bah, c'est un photographe. Et de ouf, il s'est pris en photo avec un espèce d'effet comme ça, tu sais, genre on dirait qu'il vole. Un putain de plan large quoi, énorme, et il est comme ça et je sais pas comment c'est. Alors soit il est sur une vitre en verre ou un truc, il y a peut-être ça hein, je pense qu'ils ont dû foutre ça là-bas sur cette tour, genre ça, une espèce de vitre en verre. Ah tout en haut ouais. Ouais. D'accord, mais bah, moi j'ai pas pu y aller parce que c'était pas encore ouvert à l'époque. Il est comme ça et tu le vois en fait, il a juste 800 mètres en dessous avec les fameuses piscines magnifiques et tout. Si je l'ai. C'est il y a quoi l'intérieur de cette tour? Il y a du bureau, il y a des hôtels, il y a la piscine, il y a des piscines. C'est une ville, j'imagine en fait, hein. Les mecs qui construisent ça, mais alors, moi, pour moi, c'est des dieux, quoi. Oh là là, ouais, bah, c'est ça. C'est ça là. Non, mais ça, c'est la tour. Alors, alors, il faut quand même savoir quand on voit la tour, là, vous la voyez pas, mais vous allez voir sur Google, il faut savoir que les tours à côté sont déjà grandes, hein. C'est ouf. Faut quand même bien se rendre compte, hein. Elle fait 850 mètres de haut. Et ça donne ça. Oh merde, ça rase. J'ai fait le même délire. Donc c'est en fait, en gros, vous êtes tout en haut sur une tour. J'ai fait la même chose à Toronto. Il y a aussi une espèce de vitre. Et c'est le vide en dessous. Donc t'es un peu perturbé au final. Hein. Tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud quoi. Mais toi, tu as fait le tour du monde ou quoi? Non, pourquoi? Putain, à chaque fois je suis allé là. Non mais j'ai déjà fait le tour du monde. Non mais j'adore voyager. Moi je passe ma vie à faire ça. Enfin je passe ma vie. J'aimerais pour le coup. Mais non mais j'adore. Tu aurais dû être steward. Attends, pilote c'est de où vie, ça c'est à Los Angeles. Non, steward non, c'est à Dubaï. À Dubaï pardon. Non, j'en ai rien à foutre. Il avait dit qu'il voulait être pilote bouffer, mais que c'était trop d'études et ça te faisait chier. Ouais, non mais oui, mais j'aurais pu choisir l'un ou l'autre. Bon après finalement j'ai pris ça quoi. Mais mais c'est clair que pilote de ligne, moi j'aurais kiffé ma race. Ah, mais ces photos, c'est toi qui les as prises? Ouais. Pilote de ligne comme dans Arrête-moi si tu peux. DiCaprio et Catch Me If You Can. Enfin, oui, il d'ailleurs. Est pilote de ligne comme moi. Hein. Bah oui, mais le type il est trop fort quoi. Ah, ouais. C'est magique ce qu'il fait. Hey, hey, hey. Hein hey. Hey. Hey. Hey. Oh, tu veux calmer, du marron. Il est carrément trop fort et le pire c'est qu'il a existé le mec quoi. Qui ça? Le mec qui joue dans le film, comment il s'appelle déjà? Abagnale. Ah ouais, Catch Me If You Can. Mais c'est quoi son prénom? DiCaprio. Franck Abagnale. Ouais. Exactement. DiCaprio. Il a existé, ouais. Ouais. Il est dingue ce gars. Hein. Mais il est trop fort. Alors c'est le film où il est au summum de sa beauté en plus. C'est vrai, quand je le vois, j'ai envie de violer. On l'a pas regardé ensemble. Puis, tu imagines chez toi, le cerveau ouais. qu'il a ce mec-là. Mais... Rien, au niveau de l'imagination de pouvoir. T'es sûr que c'est penser, pas toi Ah ouais non. Merci. Je rigole ma beauté. Il y en a un qui est ouf aussi dans le même délire, mais qu'il faut pas suivre comme exemple parce que pour le coup, ce trafic de drogue et tout. Non, c'est le mec qui a existé. Je sais plus comment c'est son nom, mais c'est le film American Gangster avec Denzel Washington. Exactement. Où le mec en fait, il est parti genre pendant la guerre du Vietnam, il ramenait de l'héroïne pure dans des cercueils de soldats américains morts au combat au Vietnam. Du coup, c'est les cercueils, bah forcément personne n'ouvrait le cercueil parce Bien sûr. Tu respectes les morts. Et le mec en fait, il était maqué avec l'armée, avec un pote de l'armée. Et il ramenait ça par des cargos privés en fait, des avions privés machin. Non, des avions militaires du coup. Et il allait sur la base, il récupérait les cercueils des mecs, des soldats morts, il récupérait l'héroïne pure et il revendait ça au prix d'une héroïne. Et le mec il a fait énormément de fortune, sauf qu'un jour il s'est fait griller ce connard. On allait voir un match de Mohamed Ali, de boxe. Et en fait, alors qu'il était super discret, il met un manteau de vison. Il a craqué ce soir-là, il s'est dit bon allez, je me fais un petit kiff. Chapeau, manteau de vison, et les flics étaient dans la salle, ils se sont dit putain mais c'est qui ce mec là, il est au premier rang, c'est inaccessible pour avoir ses places, il a un manteau de vison, on va le suivre. Et là ils l'ont suivi, et les mecs ils ont chopé direct putain, en deux semaines, c'est un putain de tu m'étonnes. Ah, j'avais une veste hein. J'avais la photo là quand c'était à Toronto là sur la tour, t'as vu? Oh putain de merde. Ah ouais, c'est bon, on était à 400 mètres de haut je crois, ou 350 mètres de haut sur une tour là. Et ben là j'ai du top là. Alors que moi je suis en chute libre, j'ai pas peur, mais là j'ai peur parce que si ça pète là. Non mais je peux pas, il faut que tu bouges parce que le truc il est C'est énorme, c'est énorme. T'es là, tu te balades, c'est sur une vitre en fait, t'es à 400 mètres de haut, 300 mètres de haut. Moi j'y vais, rien à foutre. Alors là, non mais c'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce que ce piège ? C'est super haut, c'est super. T'es à 300, ouais, 300 mètres de haut à peu près. Quelle quoi. Horreur. Mais quelle horreur. Ça craque. Mais craque de quoi ? Je suis pas le seul à être passé là-dessus. T'as vu sentir les aisselles, Mika ? Ouais, non mais oui, parce que j'ai senti de la sueur là. Je me suis, je sais pas. Pour toi, quel est le pays, pas le paysage, mais le pays qui t'a le plus marqué ? Moi, je suis un peu la rose. Si t'avais vraiment quelque chose à nous conseiller. Oh, je sais pas. Non, mais c'est trop différent. Tu vois, tu peux pas comparer Dubaï et bizarre, ouais, si Dubaï et New York à la limite tu pourrais, mais tu peux pas comparer. J'en sais rien moi. Bah genre Marrakech et New York, quoi, c'est impossible. Non, mais par exemple. Non, mais aux États-Unis, par exemple. Ou même entre des îles dans les Caraïbes et New York, c'est ça a rien à voir. Tu peux pas dire ouais, vas-y là ou va plutôt par là. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Oui, mais bon, t'aurais pu me dire, j'ai préféré Los Angeles. Que... Non, mais New York, moi j'ai une affinité avec New York, mais voilà, oui, j'aime bien. Mais parce qu'il y a Goom Radio là-bas, c'est pour ça. Non, non, pas du tout, non, parce que j'aime bien la ville. Hein. Je connaissais New York avant Goomness, hein, mais non, parce que la ville est démente, quoi. J'adore. Mais à vie, je pense que je préférais vivre à San Francisco que New York. Même pour le temps, pour l'état d'esprit. Ah non, parce qu'à San Francisco, le temps, c'est pas le top. Hein. Ah ouais. Ça reste la Californie, mais c'est-à-dire qu'il fait froid. Hein. Ah bon. Ah ouais, c'est un petit peu ça. Mais si vous avez fait des voyages, tiens, dites-nous hein, si vous avez déjà eu la chance de partir à certains endroits. Quel est pour vous le meilleur endroit que vous avez pu visiter, si vous avez déjà pu quitter la France ou l'Europe. 01 55 64 13 24 ou alors sur le facebook.com/mikl officiel. Donc au fait, à la base, hein, parce que j'avais quand même lancé le truc par rapport à une info pour le Corse à San Francisco, et puis on est parti sur tout le reste. Et donc du coup, c'est la ville de San Francisco qui interdit d'accompagner les menus chez McDo, par exemple, les menus hautement caloriques pour les enfants, d'un jouet gratuit, pour éviter qu'ils prennent ça exprès pour avoir le jouet, et du coup qu'ils le bouffent et qu'ils grossissent comme des porcs. C'est bien, je trouve. Et donc du coup, ils ont décidé d'arrêter ça. Oh, c'est pas mal. Mmh. Ouais, mais en même temps, c'est bonne un peu idée. Con parce que si t'emmènes tes enfants chez McDo, tu sais que la Pimille, il y a le menu le moins calorique. Non, mais peut-être que c'est pas les mêmes menus selon les pays. Ouais, c'est ça. Et ouais, après, c'est ça. Aux États-Unis, c'est-à-dire que oui, je te rappelle c'est triple, que. Oui, oui. Je te rappelle que le Baconator, hein, le triple Baconator, il fait. Le menu Baconator chez Wendy's aux États-Unis, si vous avez déjà goûté, il fait le maxi, hein, il fait 2500 calories, je crois. Hein. C'est-à-dire plus que ce que tu ne peux avoir en une seule journée. Putain. Mais t'as un Coca, il fait un litre 20, je crois. Il est là, t'as un truc. C'est ça, il le est Happy Meal là-bas, quoi. C'est un menu maxi best-of, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un gros, à mon avis. C'est dans ça qu'ils sont maigres aux États-Unis. Voilà, non, mais ils sont pas tous. En fait, ça dépend. Aux US, si tu veux, c'est soit ils sont bâtis, mais c'est du béton armé, soit ils sont gros. Ouais. T'as pas le juste milieu. T'as pas, comme en France. Ouais. Voilà, t'as pas le mec qui est pas gros, qui est pas mince, qui est normal. Parce quoi. Qu'ils sont dans l'extrême dans tous les Américains. Voilà, où t'as les mecs super bodybuildés, ouais, les meufs trop belles, ou les mecs obèses. Il y a un mec qui faisait du bodybuilding, tout le bordel. Tu sais, il prenait des protéines, tout le bordel pour faire grossir les biceps. Et il a tellement pris en fait que le biceps a explosé. Non. Ouais. Il est mort. Non, il est pas mort. Mais moi, ça me fait rire quand tu vois rien, les mecs hyper baraqués qui peuvent plus bouger. Les gars, je te dis, mais t'es musclé comme ça, mais je te mets un pain, tu t'allonges, quoi, parce que tu pourras pas répliquer tellement que t'as des gros bras. Oh, bah, ça dépend après. Mais hein, ce qui est bien à Los Angeles ou même en Californie, c'est il y a Jude Law à la télé, là, il est juste quoi magnifique. Quoi où là, ah, mais sur Canal. Mais c'est un moche. Ah non, il est beau. Mais il est laid, il est laid. Ouais, il est beau vite fait. Mais non, mais oui, mais il est beau vite fait. Voilà, c'est ça, il est laid, il est laid. Bon, qu'est-ce qu'il y a à Los Angeles, j'ai dit ? Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même, il y a des salles de sport en plein air. Donc, si vraiment tu veux avoir un corps de rêve, tu t'arrêtes sur la plage et tu te fais quelques abdos, tu cours. Donc, ça, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne initiative de la ville. H24. Oui, voilà. Hey, ça, c'est à 4h du matin, t'as envie de te faire un sport après une boîte. Non, mais c'est vrai. Quoi, c'est vrai. Nous, par exemple, tu vois, on a des horaires de merde, donc tu pourrais te dire après l'émission, moi, si on bossait pas le matin, après l'émission, tiens, je vais aller faire une petite heure de vélo, de muscu, n'importe quoi. Bah, non, mais c'est, à Paris, ça dépend des salles. Je sais que j'ai fait plusieurs salles parisiennes. 22h, 22h30, c'est le grand maximum. Non, mais bon, voilà. Nous, c'est on ça. A dans le cul parce qu'on finit à 3h. Il y a des nocturnes, je te confirme. Il y a des boîtes pour. Non. Des trucs qui font des nocturnes. Si, je t'assure. Mais nocturne, c'est pas toute la nuit, hein, ça s'arrête à minuit, quoi. J'ai raison. Non, mais bien. J'ai raison, je te dis. Mais que oui, j'ai raison. Bon, allez, on se met un petit son là, qu'est-ce qu'on va se mettre? Bruno Mars, Just the Way You Are. Mars à l'instant, Just the Way You Are. Tous les soirs, on est là entre 20h et 23h sur Goom Radio. Avec, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, donc si vous avez déjà fait petits voyages, qu'est-ce que vous avez fait en particulier? Mais il faut pas forcément avoir été loin, hein, c'est pas un problème. Vous nous dites, hein, vous nous envoyez vos messages. Il y a Arnaud qui dit un bon Breaking Benjamin dans le son de la cave, ce serait possible. Ah bah, pourquoi pas, ouais, tiens, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. À tester. Qu'est-ce qu'il y a dit? C'est un petit message qui dit, Anthony qui dit, ah bah ça commence bien, tiens. Premier message sur lequel je tombe par rapport au pays. L'Espagne, l'un des plus beaux pays et l'un des meilleurs au monde. Tu parles, il pourrit ce pays. Il déteste l'Espagne, hein. Non, mais okay. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est de la merde, y a rien. Moi j'aimerais beaucoup aller à Madrid. Madrid. Ah tiens Mika, tu peux décrocher mon téléphone, c'est le sosie de Pamela Anderson qui est en bas, il faudrait qu'on aille lui ouvrir. C'est vrai? Oui. C'est pas une vanne? Non mais je te jure, vas-y décroche. Ah non, j'arrive. C'est Polo donc. Hein. Ah non non non, c'est vrai. Ouais. Hein. Non non, c'est le sosie de Pamela Anderson en fait qui c'est une française en fait. Hein, mais donc elle vient dans l'émission. Ouais, elle vient dans l'émission, ouais. Mais on était pas et au donc, courant. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ah, mais je sais qui. Mais si, c'est vraiment la meuf qui a montré ses lolos qui veut être son sosie. Voilà. Mais arrête, elle est magique, elle Barbie. Comment elle s'appelle? Eh ben, on va voir dans un petit instant. Tu vas la voir, on va la présenter dans quelques secondes. Tu vas voir, tiens. Okay, très bien. Donc voilà, elle sera avec nous d'ici quelques minutes. En fait, c'est celle effectivement qui s'était faite, qui a été sur. Bon, on va lui en parler. Hein, mais bon, elle a été sur. Elle était dans une émission de télé. Mon incroyable sosie ou je sais pas quoi. Et en fait, elle a débarqué en plein milieu avec De Chavannes, mais sans l'air, toute nue. Mais je l'ai vue. Non, parce qu'elle a été virée en fait. Elle est revenue. Elle a fait. Magique. Voilà, elle s'est fait éjecter. C'était il y a un et donc, an et demi, ça. Ouais, et donc maintenant, elle a été bannie du truc. Et en fait, elle gueule en disant, bah attendez, vous foutez de ma gueule. C'est la prod qui m'a demandé de faire ça. Et aujourd'hui, vous me bannissez du merdier alors que vous m'avez demandé de faire elle ça. Elle a l'air gentille, je l'avais elle vu. Elle va pas nous faire une Virginie Capri. Non, mais je vais lui poser la question dès le début. Hein, t'inquiète pas pour ça. Hein, je vais gérer ça dès le départ. T'inquiète pas pour être certain qu'il n'y ait pas ce genre de problème. J'adore comme t'as fait. Tiens, réponse, c'est le sosie de Pamela Anderson. Non, mais j'ai halluciné. Hein. Non, mais c'est vrai. T'as vu la tête de Mika ou quoi? Parce qu'on va partir dans le sujet sexe. J'ai complètement oublié de raconter. Je sais pas si c'était avant-hier ou hier. Le soir. Ah, dommage. Ce qui m'est arrivé. Vous en foutez? Non, ouais, non, ça m'intéresse. Vas-y, on t'écoute. On m'a appelé en masqué à 23h30. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui savait que j'avais l'émission ou quoi. En même temps, la France entière est au courant. Et je dis allô? Et là, j'entends. Je fais bah allô, n'importe quoi, c'est quoi? Et en fait, on m'a mis un film de cul. Je fais ouais, d'accord, bon, bah, j'ai bon, pas ça. Que ça à foutre. Et un film de boule. Du coup, je fais bon, bah, je raccroche. C'est dur, ça. Hein. Voilà, et je pensais que c'était une vanne de Pierre, donc je lui ai demandé, il m'a dit non, je te jure, c'est pas moi et tout. Franchement, je l'aurais dit pour le coup. Je pensais qu'il faisait un appel coquin, tu vois, qu'il me faisait genre une connerie et qu'il allait me foutre à l'antenne. Mais Mika, on a eu le même appel masqué aussi. Ouais, non, mais moi, ça fait depuis que ce connard là-bas, il a balancé mon numéro à l'antenne. Donc pas de problème avec ça. Hein. Je me fais encore traquer. Hein. Ah et ouais. Là, et technique, il faut arrêter. Je vous en supplie de faire une technique. Ne la dis pas, mec. Ouais, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde le fasse. C'est clair. Ben non, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est qui? Bah, je réponds pas, je fais bah c'est à mon numéro, tu sais qui c'est en fait. Parce qu'il y en a qui savent pas si c'est vraiment moi, oui, mon numéro, tu vois, pour me traquer. Et ouais, en fait. Genre Mika la star. Non, bah ouais, mais n'empêche que putain, il me réveille la nuit, c'est relou. Et du coup, bon, bref. Et la technique, c'est genre. En fait, je t'envoie un texto de la part de Manon, tu sais, qui bossait avec nous, quoi. Mec, c'est la phase de ouf maintenant. Oh, c'est là. Dur. De la part de Manon qui m'a dit que machin, je suis une copine à elle. Je dis mais c'est improbable, donc j'ai appelé Manon, je fais t'as donné mon numéro à des copines, elle me fait bah non mes copines elles s'en branlent de toi. Le petit est déjà content tu vois, Mickaël, ouais. Se dire bah c'est cool, j'ai appelé hier elle soir est bien, Manon en fait finalement. J'ai appelé hier soir Manon, je fais putain sérieusement t'as donné mon numéro et tout, bah non, à branler de ton numéro. Ah tu t'es fait baiser mais comme un bleu quoi. C'est voilà. Moi quand on m'appelle que je connais pas le numéro, je rappelle, je fais allô Christophe. Il me dit non, je dis, mais c'est qui? Et le mec il me donne son prénom. T'es doué. Mais non, mais c'est vrai, ça mais marche non, tout le temps, t'es ça. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avec un prénom? Moi, j'avais fait. C'était je veux savoir qui m'envoie un texto ou qui m'appelle. C'était la plus mauvaise phase de ma vie pour avoir des nouvelles. Ça me fait penser à ça, ça a pas trop de rapport, mais d'avoir des nouvelles d'un mec, j'étais folle amoureuse et tout. Et ça faisait 3 jours que j'avais pas de nouvelles, donc j'étais au fond du seau et tout. Et au bout d'un moment, mon pote, il me voit chialer, il me dit bon, donne, j'appelle, je fais genre, je me suis gouré de numéro et on m'envoie ce qu'il est en train de faire, s'il est au calme, s'il est machin et tout, nana. Et genre, mon pote fait allô? Ouais, je voulais parler à Laurent et tout, machin. Et bon, il raccroche. Non, tu t'es gouré de numéro, c'est pas Laurent, c'est bidule. Mon pote raccroche. Déjà, mon pote me dit bon, excuse-moi, mais ça avait l'air d'être la grosse teuf. Genre, il y avait plein de musique, des filles qui gueulaient et tout. Donc, je continue de chialer. Et 3 secondes après, je reçois un texto en mode bon, ben t'inquiète, je t'appelle demain. Je sais que t'as pas de nouvelles. Donc, le mec, il m'a trop grillé quand j'avais trop honte. Genre, allô, c'est Laurent? Non. Bah, si tu veux, on peut et donner. Texto derrière. On peut donner ton numéro également à l'antenne si tu veux. Non, si tu aimes bien recevoir des petits appels comme ça. 54, 55. Je pense que ça va aller là. 68. Alors, c'est dommage parce qu'elle a un nouveau téléphone et tout. Il demande qu'à sonner. Non, franchement là. Ouais, non. Pour le coup, ouais. C'est con, hein. Non, ça va. En plus, ils ont l'iPhone 4, ils peuvent faire. Attends, ce qu'on va faire, je vais le mettre sur le mur du Facebook. De quoi? Du Facebook. Ah oui. Bah, ouais, ah, il y a Brice aussi qui dit pour l'instant la meilleure destination où je suis allé, c'est Cancun, un peu trop touristique, ou Acapulco au Mexique. Ah bah j'ai fait les deux, Acapulco. Et franchement, c'est une tuerie. Hein. Alors Acapulco. Mais Cancun, c'est pas. Quoi, Cancun, ça me fait penser un peu vraiment à une destination de débauche où t'es obligé de baiser non, là-bas. Non, mais oui, pendant le spring break. Et ça, et c'est encore vraiment nul comme vacances. Et tu vois, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère partir dans le Vermont et avec un pèlerinage de sœurs et Vermont. Voilà, j'aimerais partir, c'est les Philippines. Je sais pas pourquoi. Ah, mais Philippines, j'aimerais bien. Eh, t'as vu, j'ai pas fait les Philippines. Ouais, je suis. Moi, j'ai fait l'île Maurice. Ah, ça, j'ai pas fait non plus. Moi, je me suis déjà tapé un mec qui s'appelait Philippe, mais ça, c'est génial. Moi, Maurice. Putain, Philippe Maurice. Alors, il y a un moustique, il y a un moustique dans le studio. Excusez-moi, il y a une attaque de moustique. Oui, oui, oui, oui. Je sais, non, mais on est d'accord. Mec, il m'a piqué trois fois là sur le bras. Non, mais mec, je suis très sérieux. Il m'a couru après, hein, avec ses ailes. Je crois qu'ils sont envoyés par prénom. Attends, il y a le sosie de Pamela Anderson au téléphone, Mika. Ah oui, pardon, c'est personnel cette fois-ci. C'est personnel sur mon portable. Vous avez entendu son allô? Allô? Allô? Ouais. Alex qui dit l'Irlande. L'Irlande, c'est vraiment un pays que j'adorerais faire, moi. Et l'Écosse aussi. Ils sont beaux en plus. Il y a Colin Farrell. Ouais. Un Irlandais. Il y a Liam Neeson, il y a ah oui, c'est vrai, il y a ouais. Denise moi. Ouais. Denise de Grey's Anatomy. Non, mais c'est génial. Arrête, il est magnifique. Oh, c'est vrai que tu vois, les Anglais sont sexy, mais les Irlandais, c'est vraiment des mecs, des mâles. Ouais, ça doit être ça. J'aime ça. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Elle t'embrasse, hein. Eh bah, écoute, tant mieux, je suis ravi de la prendre. Bon, elle arrive où, là, où, là? Oui, d'ici, max une petite heure, là. Maximum une heure. Ah ouais, parce qu'il y a les galères de bagnole. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu la galère. Mais tu l'as eu elle en personne? Bah bien sûr, attends, c'est une amie personnelle maintenant. Bah évidemment. Ouais. Ce soir, il va être choc à la braise. C'est mais con comme question. Attends, la vanne Gwen qui dit Emily, c'est ma maman qui t'a appelé. Mais je comprends pas, c'est une vanne ou pas? Mais non. Parce que c'est ta mère me fait écouter des films porno, c'est que ça devient dur. Un moucheron. Mais non. C'est fausse alerte. Non, bah oui, non, mais ta maman sur Facebook. Donc regarde Gwendoline qui est là. Mais c'est moi sa mère. J'ai pas compris. Tu t'es appelé toi-même sur Facebook? Non mais je comprends pas la vanne en fait. J'ai pas compris la vanne des frères et des sœurs et des mères et des fils et des enfants et des cousins. Moi j'accepte mais je savais. J'ai accepté. Je me fais à chaque fois je me fais voir. Je fais accepter parce que j'en ai rien à foutre de Facebook. Et là c'est attends, c'est pas que là. Je vois que j'ai des enfants, des conneries et tout là. Et des frères et sœurs et des tantes et des oncles et des germains. Moi frères et sœurs, faut arrêter de me demander parce que j'ai déjà deux sœurs. Je les mets pas sur Facebook pour pas que. Voilà, et non, donc je serai pas votre frère et soeur, mais votre maman, je veux bien. Mais c'est vrai, mes frères, ils sont jaloux, moi. Mais moi aussi. Ils marquent Facebook, c'est moi, le frère de Cécile. Je dis, mais c'est bon, mon frère. Nous, on est frères de sang. Ouais, comme ils se la racontent. Ah, ouais. Vos gueules. Là, c'est, c'est la famille virtuelle. Bon, il y a Mathieu qui est avec nous maintenant. Bonsoir, Mathieu, comment ça va? Bonsoir, ouais, ça va. Eh, bonsoir, Amy. Ça va bien ou quoi? Ouais, c'est bon. Bon, bah, il tombe mieux. Non, j'étais en train de boire un truc, en fait. Ah bon, tu bois quoi? De l'alcool. Bah, du coca. Ah, du coca, d'accord, ok, très bien. Bon, on boira bien ça aussi, nous d'ailleurs. Ah ouais. Ah bah, j'irai bien chercher une petite bouteille, tiens. Il y en a plus, mais moi j'ai du coca dans le frigo, mais c'est que pour moi. Déception totale. Totale. Bon, Mathieu, qu'est-ce qui t'amène? T'as quel âge? T'appelles d'où? Moi j'ai 16 ans et j'appelle de Paris. D'accord. Et en fait, j'appelle parce que je cherche à trouver des arguments pour que mes parents acceptent de me changer de lycée. Parce que je voudrais trop changer de lycée en fait et ils veulent pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux changer de bahut déjà? Parce que en fait c'est un bahut privé vachement sévère. Mm-hmm. Et ben en fait ils m'avaient mis là-bas pour me forcer à bosser quoi. Et en fait ben je trouve pas que ça fait le contraire quoi en gros parce que plus ça va plus j'ai des tôles quoi et tout. Et j'ai c'est la envie de bosser en fait. Non mais quoi. Si t'ont mis là-dedans c'est que tu branlais rien l'année d'avant. Non un peu sur la fin de l'année ouais de l'année d'avant ouais c'est vrai mais pas. Pas trop, pas le reste de l'année, quoi. Mais t'as pas de potes là-bas? Ben si. Bah et pourquoi alors tu veux partir? Ben parce que en fait c'est hyper, c'est chiant quoi. Tu passes toute ta vie quoi. Tu passes ta vie là-bas. Ah quoi. C'est un internat? Non c'est pas un internat, tu vois tu, en fait t'as des horaires, t'as des études le soir, le mercredi après-midi t'as des cols, le samedi t'as ouais, des ouais moi j'ai fait tout, un quoi. Peu cette école, mais le mieux c'est que tu bosses trop bien et après tu demandes à tes parents. Qui te change d'école et comme ça. Ouais, ça marche pas en général le truc où tu fais sans, enfin où tu ne bosses absolument pas pour que tes parents comprennent que en fait ils doivent te mettre dans une école plus cool. Pour donc, ça marche pas. C'est moi l'inverse. Au contraire, j'étais dans une école cool, je l'ai fait tranquille ou pépère et d'un coup ils m'ont changé école privée catholique que de filles. Et alors que à la base j'étais dans un lycée trop cool avec tous mes potes. Ah bah ouais. Ou alors ce qu'il faut faire c'est tu travailles comme un dingue, tu sais genre 2-3 mois, des résultats de ouf. Et après tu vas faire du chantage. Tu dis vous avez vu les résultats? Ouais. Bah si je retourne pas où je veux, j'arrête. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est, alors ça c'est une excellente idée et ça marche. Et ça, et non mais ça marche, mais c'est surtout que à la base c'est quand même dingue parce que tu sais tu fais ton chantage, toi, mais tu bosses quoi, à la base pour toi. Ouais. Mais bon, c'est le problème c'est que après, tes parents, ils sont tellement contents, ils se branlent devant leur quand ils ont un beau bulletin machin devant leurs copains, c'est alors que les autres c'est ils ont des résultats pourris. Mais ça tu comprends quand tu touches le RSA pendant 6 mois, tous les soirs champagne. saviez que ma fille elle a eu le bac? Non? Ouais, champagne! Ouais, champagne, hop, c'est parti, c'était l'apéro quoi. Ouais, c'était un prétexte pour boire. Ouais, ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Bon, et donc Mathieu, tes parents ils sont quand même ils sont relativement stricts, j'imagine. Ouais, carrément, ouais. Ouais, bah oui, c'est bien, c'est bien. Il te frappe un peu? Et lui, non. Non, tout de suite la question du corse hein. Ouais c'est ça. Ils te frappent pas. Ils ont peur parce que ça fait du bien. C'est marrant parce que le corse quand il fait le corse quand il fait une vanne on le remarque pas. Oui c'est ça. Tu vois à chaque fois il est obligé de dire oh je plaisante. Bah oui parce que dans parce temps, que il y a pas de changement dans ta voix. C'est quand tu fais une vanne ou quand tu fais pas de vanne on remarque pas. L'intonation ne change pas chez toi? Non jamais. C'est tous des putes. Mais c'est une vanne ou non donc ouais. Salut. Ciao. Allez adieu hein. Reviens avec la meuf qui ressemble à Pamela Anderson. Mais d'ici là tu vas au piqué. Non mais d'ici là t'essaies de te noyer dans les culottes des chiottes. C'est quoi déjà la musique qu'on va lui faire quand elle arrive? Some people stay. On peut pas la préparer. Oh là là là. Ça veut dire que le corps s'il lui reste une heure à peu près pour le faire, ça va être chaud hein. Il y aura David Charvet aussi. On le fait. Allez. Et on l'accueille tous au ralenti. Vous voulez qu'on se mette en maillot? Non, pas toi. Non. On se fait une soirée maillot, c'est bon ça. Non, on aura peut-être dû, ouais. Sans les meufs. C'est pas sympa, Samika, tu vois. Non, mais c'est bon, on va la voir elle. Some c'est bien. People stay in flower. Vous avez vu David Hasselhoff dans l'état qu'il est? Putain, c'est dur. Ah bah, ouais. Sa fille a quand même filmé dans une situation, mais terrible. Délicate. Il était en train de boire, en train de se vomir dessus alors qu'il venait de manger un McDo. Par terre. Chez lui, à 4h du matin, alors que le mec, c'était l'homme le plus sportif du moment, beau gosse, 1m95. Aujourd'hui, c'est une sous-mère, tout ça à cause de l'alcool. Et ça, je dis stop. Je dis stop à ces artistes qui se gâchent. Merci, Cécile. Merci. Bon, ce que je propose, Mathieu, c'est que tu restes avec nous. On va faire une petite pause maintenant. Si vous avez des conseils à donner à Mathieu, si vous aussi vous êtes dans des bahuts un peu chauds ou pas chauds, ou au contraire, ils vous ont mis dans un internat, vos vieux, eh bien, venez donner votre avis. On fait un tour du côté du foot aussi avec Levski Sofia. C'est terminé le match face à Lille. De partout avec un but contre son camp pour les Lillois. Heureusement pour eux, hein, parce que sinon, ils auraient perdu pour le coup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a également? Sporting Portugal qui a perdu 3-1 face à la Gantois. C'est dur quand même ça aussi. Et puis il y a le PSG qui va démarrer dans quelques instants là. PSG face à Dortmund. J'étais pas loin du Parc des Princes tout à l'heure là. C'est très allemand pour l'instant le Parc des Princes hein. Ah ils étaient tous là en train de parler comme ça et ils étaient en train de gueuler parce qu'il n'y a plus de papier dans les chiottes et mais tout. Mais il y a plus de les supporters parisiens, ils vont plus au parc. Non bah non, c'est normal, c'est dimanche, c'est relou. Ça va être chaud Marseille les supporters marseillais sont interdits. Hein. Non bah alors on sait pas parce qu'à un moment ils sont interdits puis après finalement c'est quand même ils ont réussi à trouver une solution. Je crois que la décision finale c'est qu'ils viennent pas. Je sais pas mais bon apparemment il y en aura quand même qui vont venir mais tu sais genre des Marseillais qui habitent à Paris quoi. Tu vois ils vont venir et puis bon on verra bien comment ça va se passer. On verra bien. Bon allez on se met la pub derrière. Un peu de son avec qu'est-ce qu'on se met derrière? Alors on va se mettre Alan Notkin qui arrive après la pub, bougez pas. Le son de Alan Notkin à l'instant, Fly Like Americano, c'est le remix évidemment. Il y a Elisabeth qui a posté une photo là où elle est en train de bouffer des Chocapic. Oh merde. Non, elle est en train de dire manger Chocapic 5 fois par jour et elle monte la boîte, on dirait qu'on est dans une pub. Non, c'est les fruits et légumes, Elisabeth, 5 fois par jour. Mais là, c'est pour le coup, elle a raté quoi. Toujours écrit en majuscule évidemment. Hein, elle se lâche. Son ordinateur est bloqué sur les majuscules. Ouais. C'est on m'a demandé une musique si tu veux la passer tout à l'heure. Je tente encore, hein, mais je vous ai dit d'arrêter de m'écrire. Joshua aimerait bien écouter. Kylie Minogue featuring Tayo Cruz. Non. Voilà. Bisous Joshua. Mais c'est pour Joshua. Il a un très, très joli prénom en plus. J'adore. Qu'est-ce qu'il s'impose? Mais sois cool. Bah non. Mais t'es pas cool. Bah non. T'as dit que j'étais cool ou? Non. Mec, on dirait. J'ai dit cool ou on dirait le parrain. Hein? J'ai dit ou pas? Non. Il va te fracasser. Il me semblait. Bon, le PSG va démarrer là. Le match en direct du Parc des Princes. Et on regarde évidemment. On s'est diffusé à la télé là. On va suivre ça face à Dortmund. À votre avis, un petit pronostic, Mika, pour le PSG ce soir? PSG. 7-0 ou pas? Non, branlé. Mais branlé. Non. Ah, non. Mais ils vont perdre. C'est Paris. Des clients de Goum. Non. Bah, alors quoi? Alors moi je tiens pour. Attends, mais c'est des clients de Goum. C'est l'équipe préférée de mon père. Et il n'empêche, c'est des grosses merdes. Mais non, tu peux pas dire ça. Non. Ah oui, c'est pas des grosses merdes. Je rappelle que le Corse, c'est son équipe préférée. Non. Moi je pourrais jamais supporter le PSG. Jamais, tu m'entends? Jamais. Pourquoi? Parce que never, moi je les supporte quand je vote, quand je mise sur eux. Ah oui, dans ce cas-là, je pourrais miser de l'argent. Mais comme à chaque fois que j'ai misé sur eux, ils m'ont fait perdre. Non, mais je suis pas PSG du tout. Moi j'étais PSG à l'époque du vrai PSG. Avec Ginola, Valdo, Rai, toute cette. Là, ça c'était du football. C'était du vrai foot. Moi, je suis pour le foot. Voilà, c'est pour ça que j'aime le Barça, j'aime les équipes comme ça, Arsenal, voilà. Mais le en France, Real qui a perdu hier, le Barça qui a fait match. Ah, Real, j'ai jamais été fan. Comme Chelsea, j'aime pas le jeu de Chelsea. Ouais, moi non plus. De toute façon, on suit ça pour vous ce soir et puis on en parlera d'ici quelques instants. On va récupérer Mathieu aussi dans pas longtemps. Et sinon, il y a le parc d'attractions Ferrari World qui a ouvert ses portes à Abu Dhabi. Génial. Oui. On parlait de Dubaï justement, c'est pas loin. Enfin, pas loin, c'est à 300 bornes à peu près. Donc, en vedette, donc le Grand 8, le plus rapide du monde. 240 km/h en fait, on prend place dans des petits wagons en fait en forme de Ferrari 430 GT et on se met des lunettes de protection au vent donc hein, parce que forcément avec l'accélération que tu te prends dans la gueule parce que t'arrives quand même à 240 km/h, je sais pas si tu te rends compte, c'est ouf, c'est quand même la vitesse qu'il faut, un tout petit peu moins de la vitesse qu'il faut pour faire décoller un Boeing. C'est ça, ouais. C'est 280, 300 et hop là il décolle. Oh, c'est ça la montée dingue. Là. T'imagines, c'est ça là. Oh merde, la violence, on la voit sur le Facebook, tiens. Space Mountain, on sait à peu près la vitesse. Je sais pas, mais ça doit être beaucoup moins. Non, Space Mountain, c'est que dalle. Hein. C'est rien, mais vraiment, c'est Aerosmith. C'est tous les... Oui, Aerosmith, c'est le Rock'n'Roller Coaster. Voilà. C'est excellent. Il y a le démarrage, qui est le démarrage du manège. C'est le plus rapide d'Europe. Le démarrage, mais après il y a rien en fait. En gros, tu sais, la sensation, tu l'as vraiment au début quand t'entends le et pff, ça part d'un coup. Celui qui est terrible, c'est celui qui a à Port Aventura. Moi, j'avais fait le Grand 8 de Port Aventura. C'est le Cobra. Quand t'arrives en haut, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'étais au premier ou au deuxième rang, je sais plus. T'es carrément à la verticale, quoi. Enfin, tu te dis, mais je vais passer en avant, en fait. Ah ouais, et ouais. Là, ça descend, mais la pente, elle est vraiment, ça. C'est ouf, quoi. Mais pour vous donner une idée, qu'y a-t-il dans des voitures, style sportive, mais genre qui pète, c'est style Porsche, tout le bordel. Moi, j'ai fait une Maserati. Bon, non, mais c'est très moi, bien. Moi, j'ai fait Porsche, mais donc, une vieille, quoi. Pas une Porsche de ouf, quoi. Non, mais enfin, bon, c'est pas grave, mais bon, il faut savoir qu'une voiture, une bonne voiture rapide va de 0 à 100 en 4 secondes. Ouais, 3-4 grand max, quoi. Très rapide, hein. Mais déjà, c'est une grosse, hein. Je veux dire, c'est pas une voiture lambda, quoi. Hein. C'est déjà, ni même une Lada, d'ailleurs, pour le principe. Mais là, pour le coup, le wagon, il va de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Oh, putain, tu prends 2G dans la gueule, donc. En 2 secondes, tu passes de 0 à 100 km/h. Faut pas avoir mangé McDo avant. Ah, bah, il faut. Monter à la tête, un truc de malade. Mais moi, je déteste ça. Je déteste les para-attractions. Je suis toujours malade dans ces merdes. Enfin, moi, pas j'adore, malade, mais je vomis là, pas, mais à ce stade-là, si je me sens malade. En voiture, tu fais plutôt de la vitesse ou tu es plutôt calme? Je ne vois pas de quoi tu parles. En voiture, tu es plutôt sensation forte. Non, parce que tu parlais de voiture. Tu parlais t'es de voiture. D'un coup, quoi. J'ai l'impression que t'es questionné par les flics ou pas. Mec, tu mets la ceinture ou pas? Ah, si, ça, toujours. Non, ça, c'est par contre, ça, c'est un automatisme. C'est un automatisme. La ceinture, je le mets toujours. Il a donné un malaise à tout le monde, là, on l'a regardé, genre. S'il y a. Mais... Non, je sais pas, il parlait de voiture, Maserati, tout ça. Donc, ça veut dire que tu aimes bien les voitures à vitesse. Oui, bah oui, à vitesse. Et tu disais que les sensations dans les parcs d'attractions, ça va, tu aimais pas ça. Non, j'aime pas, non. Et moi, à Monaco, j'étais en Twingo, hein, s'il te plaît. Donc, je roule avec ma petite caisse et tout. Feu rouge, et j'entends derrière moi, on allait en boîte, et j'entends. Un bruit comme jamais j'ai entendu de ma putain de vie, sauf au Grand Prix de Monaco. Donc, c'est un dinosaure. Clairement, il y a Lewis Hamilton, le mec, il s'est oublié, il est là, encore en ville, tu vois, au mois de mai, tranquille. Et là, c'est pas que, à côté de moi, d'un coup, c'est la Bugatti Veyron. C'est un truc qui se fait que sur commande, en fait. Magnifique. 1000 chevaux. 1000 chevaux, la putain de bagnole. Elle est juste magnifique. Bah, moi, je roulerai jamais là-dedans, même fois, si j'avais la thune. Qu'il y a des chevaux la beauté, qui tirent la beauté, voiture. La beauté de cette voiture. Ouais, peut-être, c'est mais ça. Bon. Et le mec, il était à côté de Wham. Donc, moi, j'étais en mode Twingo, comme ça, là. Trop content. C'est-à-dire que Twingo, il s'est retourné quand le mec, il accélérait. Et là, le mec, mais il devait avoir, je sais pas, moi, même limite 25 ans. Et quand il a démarré, il a pas démarré comme un enculé, en plus. Juste en mode, tu sais, tranquille, je te passe devant, mais limite cool, fair quoi, play, tu vois. Quoi. Fair play, bah, Mickey a perdu une porte. C'est ça. Et là, c'est pas que, mais juste le démarrage, hein, t'entends le. Ah, et le mec, tu voyais limite que s'il appuyait un peu plus fort, la voiture, elle faisait des. Ah oui, bien sûr, c'est trop léger. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les mecs comme ça, par exemple, à Marseille, un mec, toutes les semaines, bon, là, je le vois plus parce que j'habite plus à Marseille, mais il avait une voiture de luxe différente, c'est Ferrari et tout, mais je trouve ça complètement con dans les rues de Marseille. Non, mais si c'est une passion et qu'il est blindé. Oui, mais tu peux pas te régaler à part le week-end. Non, peut-être part... que le mec, il est juste voiturier, en fait, hein. Ah, c'est possible. Vrai, non, mais pour le coup, c'est vrai. Hein. Et moi, par contre, j'ai un voisin, si tu veux, pas ici, en Belgique, qui il avait déjà une Mercedes, tu vois, tu sais, le modèle sportif, je sais plus comment il s'appelle là. Il avait 500 chevaux. Et il s'est fait plaisir, hein, petit, sur un coup de tête, il en a rajouté 200 de plus, et il est à 710 chevaux maintenant. Ciao. Et tu sais, il roule avec, il dit, je dis alors, ça va, bien les 200 chevaux en plus. Il dit, ouais, au début, c'est bien, mais je vois plus la différence là. Oh, ouais, du coup, il va devoir s'en prendre encore 200 de plus. Il y a, ouais, peut-être, ouais. Il y a Guillaume qui dit 1001 chevaux, Mika. Oui, pardon, pour un cheval. Ouais, enfin bon, on est je pas. Je fais un gros bisou à Guillaume, ce qui m'appelle ma À quoi? À Guillaume. Guillaume. Guillaume. Ah, Guillaume, d'accord. Guillaume. Je savais pas, je voyais pas qui c'était sur la connexion. Tu ne vois pas de quoi vous voulez parler, le mec qui pète un plomb. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, on me dit, ah bah, il y a Guillaume qui dit Mercedes SLR McLaren F1. Ouais, bah, c'est non, mais c'est ça, c'est ça. Moi, c'est Emily. Je sais pas. Et Lionel qui dit la Twingo, c'est une super voiture. Elle a pas 1000 chevaux, mais elle est super, je trouve. Bah, les petites, c'est ça qu'on peut lui dire. C'est plutôt bien pour ça. Et alors, moi, j'aime bien les Audi. Les Audi, je sais pas comment dire. Les Audi. Ouais, je sais pas si on met la 7, 8. Ouais. Il y a la Ford aussi, Continental, gros cylindrée. Oula. Ouais. Partez dans des délires un peu forts d'après. Hein. Il y a c'est bien pour les livraisons, hein, le Corse. C'est bien pour les livraisons et les breaks et tout. Ouais, la Ford Mustang, ah ouais, ça c'est le top du top. Ça. Dans un petit mot d'elle, celle qui avance super bien et qui a un bruit assez aussi impressionnant pour une petite voiture comme ça, c'est la Smart Brabus. Oui, ça n'a aucun intérêt. Alors ça, tu décolles avec ça. Mais je te jure qu'elle trace. Non, mais oui, mais ça n'a aucun intérêt parce que t'achètes une Smart pour que ce soit petit et pratique. Et là, en fait, t'achètes une Smart, il y a deux places et au fait, ça prend plutôt une place qu'une autre. Pardon, mais c'est quoi ce manège de merde là? Pardon. C'est à Las Vegas, j'ai fait ça. Comment tu fais ça? Mais attends, mais dans jamais le vide. De ma vie je fais ça. Mais oui, t'es dans le vide à 250 mètres de haut. J'y suis allé, je voulais pas le faire, hein, j'ai pas été le faire, mais j'y suis allé, je l'ai vu et c'est impressionnant. T'es lâché mais d'un coup. Pète. C'est l'horreur ce mais truc. C'est une violence ce que j'ai fait moi. C'est une espèce de, je sais pas si vous voyez, une espèce de. C'est une lacelle. C'est sur le Facebook. J'ai déjà vu un reportage. Mais c'est genre une grue. C'est Alex qui a lancé ça. Ouais, c'est une grue avec des espèces de je sais pas comment on appelle ça, des espèces de boîtes où tu peux mettre 2 à 3 personnes dedans. Et tu sais, ça tourne. Oh putain. Sauf que t'es au-dessus du vide. Ouais, des nacelles, ouais. T'es au-dessus du vide. Ah oui, j'ai dit une nacelle. Ouais. T'es complètement au-dessus du vide, donc c'est violent quand même, hein. Putain, la violence. Mais celui-là, il y en a un aussi, c'est à PortAventura, je sais pas si tu l'as fait. Tu montes genre. J'ai tout fait là-bas. Tu dois être à 300 mètres de haut, c'est possible? Non. Calme-toi. 300 mètres, c'est quand même la Tour Eiffel, hein. Non. Non, mais c'est super haut, je te promets. Non, mais 50 mètres, quoi. Non, mais les Marseillaises, donc 100 mètres, quoi. Ouais, 150 mètres. Ouais, voilà. Et donc, on a déjà divisé par deux, quand même. Vide. Mais dingue. Il y a des basses à moi quand j'y suis allé. Il y en a un comme ça à Miami aussi. Qui est ouf. Et, qui fait à 150, 200. Ça doit être le même de bordel. Et en fait, ouais, t'es dans une capsule et il te lâche. Et en fait, tu prends, je sais plus combien de G dans la gueule parce que t'as ton poids, le poids de la capsule et t'es projeté en plus. C'est comme la Tour de la Terreur. À Disney, tu sais, il te lâche pas, en fait. Il t'envoie vers le bas. Ce qu'ils disaient les mecs. En fait, il y a un moteur, je sais pas quoi, qui t'envoie. Tu sais, je referai plus jamais la Tour de la Terre. Oh, si. Ah, moi, je l'ai fait, j'ai pas eu de problème. Je croyais être malade, mais en fait, là-dedans, ça va. Mais dès que c'est, des espèces de d'attractions où, à un moment ou à l'autre, tu tournes sur toi-même. Ouais, c'est dur, ça. C'est foutu. Non, mais maintenant, il faut laisser les yeux ouverts. Moi, j'ai fait l'ascenseur, ça m'a tellement traumatisé qu'après, j'ai fait, Aerosmith et après Space Mountain. Mais j'ai mis 3 jours à m'en remettre, hein. Non, mais je fais ça, je suis, vraiment, je te dis, je vomis pas ni rien. J'avais fait une émission un jour en direct de Disney, bah, pour l'inauguration de la terreur, là. Et donc, on avait fait ça, ça s'était bien passé. Et puis après, évidemment, il a fallu qu'il m'engraine, alors qu'il savait, trou du cul qui était avec moi, là, que j'allais pas être bien. Mais si. Bon, bref, on l'a fait. Et bah, j'étais, dans, bah, Space Mountain, non, pas Space Mountain, Aerosmith, là. Ouais. Putain. La violence. Ah, non, j'ai pas gerbé, mais je me sens pas bien. Ouais. Quand j'ai fait un saut en parachute, en fait, il y a la brutie qui, sautait avec moi, qui m'a dit, t'as déjà sauté? Je dis, ouais. Et le mec, en fait, a fait la toupie pendant qu'on était en train de, quand il avait sorti le parachute. Oh, putain, il l'a fait une fois, bon passe, mais il l'a fait une fois à gauche. Et à droite! Et à gauche! Et à droite! Putain, et tu devais crier, tu devais dire, ouais, il s'éclate, allez, je recommence. Non, mais il m'entendait pas. Non, mais je criais pas, hein, je disais rien, j'étais mais là, j'attendais. Mais tu t'es même pas régalé, du coup. Ah bah pour l'atterrissage non, j'ai pas régalé non. Ça c'est clair. Mais voilà, bon après le concept était le truc était sympa, hein, c'est pas ça, mais pour le coup, ça c'était quand même bien relou. Dès que ça tourne sur soi-même en fait, moi je kiffe pas. Moi c'est le bateau pirate que j'arrive pas. Oh, j'adore moi parce que tu as le sentiment que le cœur il te monte dans la gorge. Non, c'est ça, bah, c'est justement. J'adore. C'est horrible, c'est les effets quand t'as dans ton estomac qui là, je déteste ça. Dès que l'estomac remonte, moi j'aime pas ça du tout. C'est les hauts de cœur quoi. Ouais, c'est ça, ouais, j'aime pas ça du tout. Moi celui qui m'a vraiment traumatisé, c'était celui-là de PortAventura. Et sinon, une pote à moi, elle faisait trop la maline. On a fait, pourtant c'est nul, hein. Comment s'appelle le truc avec Harrison Ford là? Indiana Jones. Oh, ouais, voilà. Ah, c'est génial. Ah, mais j'étais mal à l'envers dedans. En fait. Il l'avait fait à l'envers une année ou pendant 2 ans non, et tout. Non, ils le font toujours. Non, enfin, non, tu fais, non. Tu fais un tour à l'endroit et un tour à l'envers. Je te promets, non, parce que moi j'adorais. Après, ils ont fait à l'envers. Et là, maintenant, ils l'auront fait normal, quoi. Et je suis dégoûtée parce qu'à l'envers, c'était magique la sensation. Et moi, j'étais avec ma meilleure amie et j'adore les manèges comme ça et tout. Et je lui dis, celui-là, je me le sens pas parce qu'à l'envers, j'ai l'impression vraiment ça va me faire pression du sang là et tout à la tête. Je vais avoir mal à la tête. Tu le fais, c'est pour kiffer, c'est pas pour être à mort. Non, mais bien sûr, c'est ce qui est un message qu'ils disaient. Il faut que ça reste une attraction, quoi, tu vois. Ouais, voilà, allez, c'est viens, t'as peur, allez, caguette, nanana et tout. Je suis, c'est bon, je le fais, pas caguette, en monte. T'as peur, ouais. Bah et ouais. En fait, je me régale, je suis, ouais, et tout. Et ma meilleure amie, elle parlait pas, elle rigolait pas et tout. Elle est sortie, elle a vomi sa vie, quoi. Elle avait la tête, mais défoncée. En fait, on dirait que c'est vraiment centrifugeuse, quoi. Vu que t'es à l'envers et tout, ça fait un effet chelou. Et moi, du coup, ça m'a rien fait et elle a vomi. D'accord. Bon, bah, écoute, Loïc, il demandait comment on fait pour nous appeler. Bah, c'est 01 55 64 13 24. Mathieu, qui est dans un bahut, il veut en sortir, mais ses parents l'ont mis dedans, donc c'est pas trop comment se sortir de là, justement. Si vous avez des conseils, bah, vous nous joignez pareil. M-I-K-L aussi, Mickaël Officiel sur Facebook. On aura dans un instant, donc, Elisabeth, donc pas notre Elisabeth, hein, mais, Elisabeth, la, sosie, donc, de Pamela Anderson, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis, on va s'écouter, Pink maintenant. Raise your glass sur Goom Radio. Pink à l'instant avec Raise Your Glass sur Goom Radio tous les soirs entre 20h et 23h avec vos messages qui tombent évidemment sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel ou encore sur le 01 55 64 13 24. Vite fait autour niveau match là, 15e minute de jeu presque, toujours 0-0. Il y a juste Sebi qui a ouvert les scores là ce soir face à, oui en même temps c'est pas compliqué, hein, face à Karpat Lviv. C'est même pas où ça se trouve. Bah, c'est un plat, ça a bouffé, non? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc, 1-0 pour eux. Sinon, tous les autres matchs, c'est 0-0. Pour l'instant, ceux qui ont commencé, évidemment, à 21h, comme par exemple le Paris Saint-Germain, donc face à Dortmund, qui joue ce soir au Parc des Princes. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et on vous tient au jus, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai trop de mémoire. Dis donc, on en parlait, c'est vrai, au début d'émission, là. Mais c'est pas grave. Retour avec Mathieu, maintenant, avant d'avoir la sosie de Pamela Anderson tout à l'heure, qui sera en direct avec nous. Allô Matt. Yes. Bon, il y avait un conseil qui est arrivé sur le Facebook qui disait suicide-toi. Je sais pas si vraiment la solution est la bonne, mais en tout cas ça a été dit. Non, en gros, donc Mathieu qui était dans un bahut à la cool, on va dire avant, tes parents t'ont foutu dans un bahut très très strict. Yeah, ouais, c'est et ça. Et ouais. Bah du coup toi t'as envie de changer quoi. Bah ouais. Bah voilà, bah, ce que je peux comprendre, tu sais pas trop, donc tu voulais avoir des conseils pour savoir comment arriver à les convaincre de bah te remettre dans une école dite normale quoi. Là ouais, en fait t'es en internat, c'est ça? Non, c'est pas un internat, mais je suis externe quoi. D'accord, OK. Ah oui, c'est ça. Oui, donc en fait, c'est le même concept que l'internat sauf que tu peux sortir quand tu veux quoi. Ben genre pour juste pour situer quoi, en fait j'ai eu déjà tu peux être privé de vacances, donc là j'ai eu 2 jours où j'ai été privé de vacances. D'accord. Et puis voilà quoi. Et en fait mais pourquoi t'as été privé de vacances? Pour différentes raisons, on va dire. J'aime bien le pour différentes raisons. Alors dis-nous c'est quoi les raisons là? Ben j'avais il y a des notes qui étaient pas terribles et indiscipline aussi et tout quoi. Indiscipline? Ouais. Ah bah d'accord. Mec, c'est-à-dire que là, le problème, ouais. Si tu veux, c'est que ça va être compliqué d'arriver à les convaincre, tes vieux, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ce qui est chiant, c'est que au début de l'année, quoi, j'avais essayé de faire ce que vous disiez au début, quoi, c'est-à-dire de bosser et tout. Et ça changeait pas grand-chose, quoi. Ouais, mais comme on dit, tu travailles pour toi. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais vraiment, parce que c'est con, hein. C'est chiant. Moi, j'étais un branleur, mais vraiment fini, indiscipliné et tout. Au final, j'ai eu la chance d'avoir mes diplômes, mais j'ai des potes qui étaient comme moi, qui n'ont pas eu leur diplôme, et au final. Là, ils se galèrent le cul. C'est con, mais ils se galèrent vraiment, surtout que maintenant, avec l'inflation des diplômes, là, c'est pas accessible. Tout à l'heure, elle a dit qu'ils avaient ouvert le champagne, ses parents, là. Ouais. Maintenant, c'est quand t'as un doctorat que t'ouvres le champagne. Ouais, bien sûr. Donc, bah, moi, final, j'ai un pote, il l'a acheté. Le bac? De quoi, le doctorat? Enfin, pas un bac, mais l'équivalent en Belgique, quoi. Bah, oui, tu peux. Enfin, c'est dur. Il y a des pays, tu peux. Hein, non, mais c'est pas officiel, hein. Il l'a acheté, il a un faux, quoi, mais il ressemble à vrai, quoi. Ah, d'accord, ok, je croyais. Oh, mais après t'as deux écoles, t'as des gens qui arrivent à se trouver du boulot sans diplôme et qui apprennent sur le tard, et après il y en a qui ont Y en a qui galèrent. Après moi j'ai des copines autour de moi super brillantes qui ont des bac+5, bac+6 et qui ne trouvent pas de travail quoi dans leur branche et même à côté, donc tu te dis bon. Ce qui est très fort quand tu fais beaucoup d'études, c'est quand t'arrives dans un endroit pour vous êtes trop qualifié monsieur ou madame. Ouais. Ah, oui. On l'a jamais fait ça. Mais j'aurais bien aimé. Bah, c'est ça ouais. Mais attends, c'est dingue de Carrefour et tout hein. C'est bac+2 à bac+4 et tout. Ah mais je te le dis, c'est un truc de dingue maintenant. Direct. Vous avez pas le doctorat, vous pouvez pas être en caissière légume. Assistant pour n'importe quelle branche, il te faut au moins un BTS, un bac+3. C'est très dur. Donc est-ce que tu penses que si tu changeais d'établissement, tu travaillerais mieux, tu aurais plus de motivation, ou les premiers mois tu te dirais ça et après tu continuerais à faire carnage, ou c'est vraiment ton école ou t'aimes pas l'école tout simplement hein? Ouais non mais c'est le deuxième truc quoi, c'est que j'aime pas l'école parce que franchement, au début de l'année, quoi, en plus, je savais que, enfin, ceux qui étaient là avant, ils m'avaient dit, quoi, que c'était t'as, difficile, quoi. T'as quel âge déjà? T'as 16 ans, voilà. Eh ben, 16 ans, non, mais attends, c'est con, mais voilà, tu peux faire un centre de formation, tu peux faire un truc. Apprenti. Pas forcément que CFA, mais tu peux surtout l'alternance. Moi, je suis un connard pour ça, mais je l'ai fait. Et honnêtement, ça me saoulait. Hein. Le lycée, j'en pouvais plus. J'ai pris deux conseils de discipline et tout. J'étais viré, j'étais un gros con. Sauf que du jour au lendemain, j'ai arrêté. C'est j'ai fait gosse. Un BEP, bac, BTS en alternance. Mon pote, tu gagnes de la thune, tu taffes. Par contre, faut être sérieux. Hein. Et ah, t'as des ça, cours. Et t'as des cours. Mais par contre, ça t'apprend la vie directe. Hein. C'est-à-dire que 16 ans, bah t'es cash dans la vie active. Mais après, faut que dire que t'as plus de mois de vacances l'été, quoi. Mais bon, au final. Est-ce que t'as des passions déjà au moins? Il y a des trucs. T'as déjà envie de faire un taf en particulier ou pas du tout? World of Warcraft. ouais, passion, ouais. Enfin, je fais pas mal de tennis, mais bon, je suis pas assez bon pour être pro. Mais ouais. Organiser des soirées, ouais, ça, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, bah, organiser des soirées, c'est bien, mais c'est pas un, enfin, c'est un métier. Bah, si, ça peut devenir si, un métier. Non, mais tu bien sûr. De la com, quoi. Enfin, ouais, voilà. Bon, si, si tu le vois juste pour faire la teuf et boire du champagne à l'œil, c'est pas ça. C'est un vrai taf pour le coup, et c'est des gens qui s'amusent pas du tout en soirée et qui travaillent vraiment. Et que c'est quoi. Méga saturé, quoi. En fait, en gros, et au début, c'est un kiff. C'est et après, ouais. Tu peux en faire. Tout le monde veut faire ça, hein, mon pote. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que t'aies un vrai boulot à côté et tu peux organiser des soirées de temps en temps. Et puis si t'es bon, tu te fais ton réseau et après, boum, tu deviens Cathy Guetta, s'il te plaît. Comme il disait Mika, de la com. Et oui, je mange du pain azim, je suis désolée, je voulais le cacher, mais ça s'entend. Ah oui, là, oui, oui, ça s'entend, ouais, ça, je te tu fais de la com et après tu fais une alternance dans une boîte d'événementiel, quoi. T'essayes de trouver quelqu'un qui va te prendre sous son aile et qui ah va oui, te montrer bah comment oui. ça marche. Exactement. Mais pour le coup, tu vas voir que c'est vraiment du travail, quoi. Mais si ça te motive vraiment, parle-en à tes parents et oriente-toi vers ça directement l'année prochaine. Le problème, il faut c'est des que, bases. Non, mais, ouais, non, mais ça, je le problème avec le métier, quoi. Je t'interromps, Mathieu, le problème avec le métier qu'il veut faire, en fait, c'est que, les parents vont dire oui c'est ça arrêtez je, ouais je vais organiser des soirées, je veux devenir animateur radio, je veux devenir acteur, tous des métiers qui peuvent bien rapporter où tu t'éclates, mais le problème c'est que c'est pas des métiers entre guillemets sérieux, quoi. Non mais que les parents je me souviens, ils disent passe ton bac, quoi. Quand j'étais plus jeune et quand j'avais 16 piges, quand je disais à mes parents ouais je vais faire animateur radio, j'ai trouvé une place, je peux rentrer dans la... Non mais il y a un vrai métier, tu vas faire quoi? Parce que c'est une passion, mais tu c'est pour t'amuser, quoi. Moi non, mes parents, je voulais être actrice et ils m'ont dit bah très bien, tu passes ton bac, ensuite tu iras prendre des cours de théâtre à Paris et tout. Ouais, mais après c'est vrai qu'il y a des parents, moi c'est pareil, mes parents ils m'ont dit bah 16 ans, hein, je leur ai dit franchement ça me saoule les cours, j'en ai plein le cul machin. De toute façon ils avaient pas trop le choix ça, ils avaient pas trop le choix parce que juste je me faisais virer de tous les lycées. Mais du coup voilà, je leur ai dit faites-moi confiance et tout. Après ça c'est encore une fois ça dépend des parents. Mais moi et Cash ils m'ont dit on te fait confiance, vas-y fonce. Et fais-toi kiffer, quoi. Oui, et mais après, je peux le faire, quoi. Au bout d'un moment, tu vois, quand là, ça va, t'as seulement 16 ans, mais c'est vrai que même nous, pas nous aujourd'hui, mais tu peux vivre de ta passion, mais au bout d'un moment, si ça rapporte pas d'argent, il faut en vivre, oui, non, c'est clair. Il faut en vivre. Tu peux pas. Il y a plein d'acteurs sur Paris. Moi, je connais plein de personnes, et Mika aussi, j'en suis persuadée ici aussi, qui font comédien ou comédienne. Mais après, au bout d'un moment, après un an, deux ans de recherche, elles gagnent que dalle. Elles font de la restauration, elles font de la vente, et leur passion reste en retrait jusqu'au jour où elles tomberont sur le bon producteur, voilà, ou le réalisateur ça, qui leur donnera une chance. Mais il faut que t'aies une porte de secours toujours. Si ouais, tu veux faire des métiers oui. dans l'artistique. Ouais. Dis-toi, faut que j'ai une porte de secours, parce que si ça marche pas, que tu te retrouves pas sans rien à 20 ans ou 26 ans, surtout si t'as pas d'études et au moins ton bac, même ouais, si tu fais clair, une formation. Moi, quoi. J'ai pas dit que je voulais pas avoir le bac et tout, quoi. C'est juste que je dis que je serais dans un bahut normal, quoi. Ben, je bosserais mieux, parce qu'au début de l'année, j'ai essayé de bosser et tout, et résultat, ben, je me suis, en fait, une semaine, j'avais super bien bossé, quoi. J'avais même eu franchement de bonnes notes, et en fait, je me suis quand même pris 3 heures de colle juste parce que j'avais parlé donc pendant un cours, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est pas encourageant, quoi. Ouais, donc, mais bon, c'est un manque de discipline aussi, quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin 3 heures. Attends, de colle tout, attends, quoi, ouais, c'est bon, tout le monde parle encore. Hein. Oui, non, mais c'est pas parce que tout le monde parle. Je veux dire, après, tu as des profs qui, dans le règlement intérieur de l'école, c'est ne pas bavarder, enfin, voilà, des conneries, quoi. Mais je veux dire, tu as des profs qui vont l'appliquer, d'autres qui vont être plus souples. Non, mais puis ça, c'est de la merde. Si t'es bon élève, la discipline, t'en as rien à foutre. Moi, je me suis tout le temps, comme aussi, j'ai tout le temps eu des conseils de discipline, des trucs et tout. Pourtant, j'étais une bonne élève, j'ai eu mon bac bien et tout, pas à me plaindre, voilà. Et des études, je les ai fait parce que après. Ouais. Enfin, retiens une chose. C'est que le bac, c'est très après, important. Après, c'est soit d'avoir. T'as l'intelligence d'avoir envie de faire quelque chose, soit tu te reposes sur ces excuses et tu te dis bon bah de toute façon je ferai rien, quoi. Qu'est-ce qu'elle parle bien, Emily. Mais oui, elle parle bien. Mais bon, le bac, moi, je fais des fautes de français. Non mais ça non, tu parles trop bien. C'est une clé à beaucoup de choses, quoi. C'est un passeport, là, d'avoir. Non, le mais le bac aujourd'hui, c'est même pas. C'est très grave. Voilà. C'est, tu non, peux pas ce commencer quelque chose dans la vie sans ton bac. Il l'aura, il veut juste avoir un bahut un peu plus cool. Et puis c'est vrai que c'est. Ouais, mais attends, parce que pourquoi tu veux avoir un bahut un peu plus cool? C'est pour la fête, c'est pour faire la fête. Bah, non. C'est pour pouvoir faire des conneries plus facilement avec tes potes. Non, mais là, franchement, quoi, j'ai juste plus envie de bosser, quoi. Mais bosser de tes cours ou ton lycée te gonfle? Ben en fait ça va ensemble quoi, c'est à dire que de toute façon je me dis que même si je bosse quoi, de toute façon je m'en prends plein la gueule quoi, ils me pourrissent et tout, et voilà quoi. Ouais, mais mec, donc le problème c'est que du coup rien, là le souci c'est que tu vois, dans un autre bahut c'est être la même hein, parce que les mecs ils sont pas cool. Moi j'ai jamais vu de bahut, attends, là franchement quoi c'est particulier quoi. Si je te dis, tu vois, j'ai pris 31 heures de colle depuis le début de l'année quoi. Oh, c'est bon. Ouais, bon, c'est que là tu es dans le collimateur, t'es prof, tu as dû faire des conneries avant, non? Ben non, mais sincèrement, est-ce que tu penses que t'es le bouc émissaire ou tu cherches un peu toutes ces embrouilles? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est les oh, pourquoi moi, mais en fait c'est que tu te crées les ennuis hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, parce que comme ça me fait chier, je fais plus d'efforts quoi. Ouais, mais bon, tu vois, tu n'as pas du tien non plus. Non mais je te comprends Mathieu hein, je comprends vraiment, mais pour le coup là, quoi qu'il arrive, tu viens de démarrer l'année, tu pourras pas changer de bahut comme ça cette année en plein milieu. C'est clair. Hein. Et ce serait même ni bon pour toi, ni bon pour personne hein, donc il va falloir que tu prennes un peu sur toi, je pense. Enfin, si tu peux changer de bahut au final hein, mais bon après c'est pas pratique quoi. Mais si tu changes de bahut, c'est maintenant, après t'as des cours en retard, t'as des trucs, ouais, et tu vas te foirer une année quoi. Pour rien alors que t'as 16 piges. Plus vite t'as fini tes études et plus vite tu te casses ailleurs. Hein. Mais t'as pas de pote là au bahut où tu te trouves? Ah si, ça c'est pas le problème, si ça je m'en suis fait, y a pas de problème. Bah sinon il faut rester plus calme hein. Mais tu vois, tes potes, enfin si tu veux passer le samedi avec eux quoi, y a mieux qu'au bahut pour le passer quoi. Non mais bien sûr, non mais je comprends, non mais c'est clair. Ah oui, après, c'est clair. Après voilà, si tu veux pas prendre de colle, concrètement, faut pas faire de conneries quoi. C'est clair. Ouais, c'est ça le délire en fait hein. C'est con, ça fait chier parce que, mais en même temps, faut arrêter avec ça aussi parce qu'on est tous, nous, on est passé par là. C'est pas parce que tu fais pas de conneries au bahut que t'es le lèche du prof quoi. Enfin, tu c'est vois, clair. tu peux très bien être en cours et juste faire tes cours, te marrer avec tes potes et tout. Mais quand t'es en cours quoi. Tu vois. Là, voilà, moi, je passais totalement inaperçu. Ah oui, ah ouais, t'étais en mode ouais. Bah moi, oui, j'ai bah, c'est mieux, ça. Il fallait que je fasse rire tout le monde. Ouais, moi, j'étais pareil, à chaque mais... fois, allez devant, piche reduit, on se met devant, on se la ferme, la tête contre le ouais, tableau. Mais si ça suit et que tu travailles, oui, mais après si en plus t'es un cancre, oui, après voilà, je ouais. te promets, faire rire tout le monde, c'est super cool et tout. Mais moi, je sais que j'ai redoublé, ça m'a gonflé hein, d'avoir fait la conne pendant un an. Ouais, regardez les filles, je fais ça. Non, moi, non, je suis rebelle, ouais, je travaille après, pas et tout. Et après, quand tout le monde se barre en fac et que toi tu rates ton bac et t'es comme une conne avec des minots de 17 ou 18 ans, je te franchement là, tu te dis mais putain, faire l'intéressante c'est bien, mais là c'est toi la conne, bah, et c'est toi qui te retrouves seule. Alors vaut mieux que tu réfléchisses maintenant et que tu fasses ton travail sans en faire trop si t'as pas envie, mais au moins que t'avances, parce que tu vas perdre ton temps en plus en cours et tu vas redoubler et voilà, ton cursus ça, scolaire vont, va durer encore plus vont longtemps kiffer, que les autres. Ils vont se marrer de tes conneries parce qu'ils ont pas les couilles de le faire, tu c'est vois. Ça, ouais. Et qu'au final toi tu vas te retrouver la tête dans l'eau. Après c'est clair comme dit Émilie, si t'arrives à suivre et tout, c'est cool. Si t'es un amuseur, tu vois, et que t'arrives à être balèze et de passer et tout, bah tant mieux, tu vois. Maintenant, si t'as des difficultés ou que t'en as rien à foutre et que tu te sabordes, là c'est toi qui t'en prendras plein la gueule plus tard. Et au final, tu verras tes potes qui sont bien marrés tes conneries passer en classe supérieure. Et toi, tu vas rester comme un gros con. Et là, tu vas te taper en plus des gros connards immatures. Et là, bon, c'est ça, dur. C'est pas dit encore. Non, mais bon, c'est vrai. Non, c'est pas dit, mais c'est dans la mentalité de redoubler. Le seul truc qui me faisait peur, c'est de redoubler. Et là, j'ai pas un orgueil, je suis pas prétentieux pour de rond, mais de me dire je redouble et tout. Oh, c'est très dur. Non mais c'est même t'as ça, pas tes potes quoi, t'as pas bah, tes non, potes dans ta classe. Hormis ça, c'est si tu perds un an quoi. Bah non, mais là, faire un stand-by. Non, mais même les potes c'est hyper important. Au lycée c'est juste ça, tu vas en cours avec tes potes, tu te déplaces de classe en classe et tout. Quand tu vois tes potes qui ont pas les mêmes horaires que toi, qui vont bouffer, toi t'as un autre cours avec des gens que tu connais pas, qui ont un an de moins que toi. Moi j'ai une pote, elle avait redoublé, c'était l'enfer pour elle. Non mais attends, on dit ça alors que là on raisonne en année collège ou lycée, mais après à la fac. Et là je me dis mais la mentalité quand j'étais un blaireau prétentieux en disant en mode je pars doubler c'est mort, noé. Et là à la fac, c'est pas que t'as des potes de 26 ans, mais après t'as des potes de 30 piges, ouais, ouais, de 35 ouais. ans. Et toi-même, tu sais, à la limite tu fais non, je vais faire une année d'art, une année de ci, une année de truc. Et donc après les années en tout cas, ça veut plus rien dire, tu comptes en ouais, semestre, ouais, en points, en truc pour passer. Bien sûr, et exact. La fac, tu te la branles mais mais je sais pas, si t'as deux buts, tu peux prendre les deux, quoi. Bon, Matt, reste avec nous. On aura Guillaume aussi dans quelques instants qui voulait réagir par rapport à toi. Donc bouge pas, Matt. On se met un petit peu de son maintenant. Les Black Eyed Peas qu'on écoute avec The Time maintenant sur Go. Les Black Eyed Peas à l'instant, c'était The Time sur Go Radio. Tous les soirs, on est là avec le PSG face à Dortmund. Ça pousse un peu du PSG côté PSG, mais c'est toujours 0-0 malheureusement pour eux. Toujours 0-0. Il y a 1-0 aussi pour le PSV Eindhoven. Toujours 1-0 pour le FC Séville. Et puis rien d'autre, hein, sinon. Si OBD Odense, je sais pas ce que c'est, qui joue contre les Young Boys Bern, donc et c'est 1-0 également pour l'instant, donc rien d'autre au niveau des matchs de cette Europa League 4ème journée. Donc ah oui, si, il y a Stuttgart aussi qui vient de mettre un but face à Getafe, et le Steaua Bucarest aussi face à Utrecht. Voilà, Utrecht par contre, ça, c'est une ville pas loin d'Amsterdam. Oui, c'est en Hollande. Pays-Bas, ouais, ça. Exactement, oui. Utrecht. J'ai l'air pas manger du parazima, je vois que t'as envie de me taper. Non, tant que tu le manges pas et que ça fait pas bah ça le fait. Ça c'est juste dégueulasse, c'est un bruit insupportable. Je vais te casser la gueule. Ah bah tu peux hein, pour le coup, je suis là, je suis avec toi. Je m'étonne. Il y a pas de problème. Bon, tous les soirs on est là, donc 01 55 64 13 24 et puis on va parler d'un truc qui déchire. Alors pour le coup, il y a pas de mort, au contraire, c'est juste exceptionnel en fait, grâce à la technologie, ils ont réussi à des trucs exceptionnels au niveau du cœur et tout, pour mettre un cœur artificiel et tout. En fait, il y a des médecins allemands qui ont fait une avancée qui déchire dans des implants électroniques destinés à rétablir la vision chez les aveugles. Ah, oh, c'est bien ça. Mais attention, c'est énorme. Ceux qui sont aveugles dû à un accident, etc. Ouais, ceux qui sont aveugles de naissance ou qui, oui, c'est genre le nerf, la connexion entre l'œil et le cerveau n'existe pas ou la mal fait. Ouais, voilà, il y a un problème. Là c'est pas possible. Mais donc ceux pas qui encore. Sont mais ça possible. Ça me rassure tellement. J'ai tellement peur un jour que ça m'arrive ça. Non mais ça veut pas dire que si t'es aveugle ils arriveront à te le réparer. Non, mais ceux qui ont, pour l'instant c'est chez les aveugles victimes d'une maladie héréditaire. Mmh, c'est déjà pas mal. Mais j'avais vu là déjà il y a des lunettes qui permettent aux aveugles de reconnaître les couleurs. Ils ne distinguent pas les formes, mais ils aperçoivent des couleurs. Putain, oui, c'est ça, ouais. C'est bien pour le foot, ça. Mais il y a un truc qui est fou, mais bon, c'est con. Mais c'est très débile, hein, ce que je veux dire. Mais le fait d'être aveugle, c'est vrai que c'est ouf, parce que ne pas voir ce que représentent les choses. C'est-à-dire qu'on dit, tu as un vélo. Ah oui. Tiens, bah, prends, non, je surtout faire du si vélo. T'es aveugle de naissance quand oui, t'as un oui, accident. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'un vélo, oui, tu l'imagines parce que t'as tu te le représentes au toucher, quoi. Oui, tu te le représentes au toucher, voilà. Mais avec un autre sens. Ouais, tu vois avec le sens du toucher. Mais c'est comme... Bah ouais, bah, c'est ça. Et si pareil, t'as vécu avec une femme pendant ou un homme pendant tant d'années, tu retrouves la vue. Tu sais, t'as toujours été aveugle et par miracle, tu retrouves la vue. Tu vois sa tête, elle est moche. Et tu t'es fait une idée de cette personne et tant, elle te plaît pas du tout et finalement, tu la quittes. Ouais, mais elle te plaît pas, mais ça veut dire qu'elle te plaît pas par rapport à quoi? Parce qu'au final. Par rapport au physique. Parce que physiquement, tu dois être déçu peut-être que tu l'imaginais différente du résultat. C'est très intéressant ce que tu dis, je trouve que. Moi, je pense qu'à partir de là, si tu compares un aveugle. Il y a un resto à Paris dans le noir. C'est énorme, j'ai pas encore fait, mais je devais le faire. C'est chelou, et c'est très cher. Ouais, c'est cher, tu bois genre de la merde. Ton dessert ou ton café en haut, je sais plus quoi. C'est très cher parce que tu files un billet de 10. Tu sais que c'est un billet de 10. Le mec fait non, c'est un billet de 5. Donc tu refiles encore un billet de 10. Il fait non, là c'était un billet de 2,55€. Ça c'est pas possible. Ça va l'été bien, mais bon, bah, c'est rassurant. Je serais pas capable d'arnaquer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à Paris, c'est un resto en fait qui a été créé par des gens aveugles ou malvoyants. Et en fait, tu fais tout dans le noir, donc tu bouffes tes plats dans le noir, t'es servi dans le noir et tout pour être un peu dans la peau de personnes aveugles ou malvoyantes. Voilà. Et à ce qui paraît, c'est très bizarre comme sensation. Enfin, il y a des gens base, qui le vivent très à mal. À la base, c'était ça, mais ça a été détourné en mode hype, ouh, ça se la pète ouais, et tout. Ouais, c'est ça. Si ça le fait trop d'aller bouffer là-bas, tu parles au début, c'était effectivement dans une démarche de c'est cool, au moins on comprend ce que les gens vivent. On teste. Maintenant, c'est en mode on s'en bat les couilles et au bout d'un quart d'heure, ils allument la lumière parce que ça les saoule, je crois. Ah, ou t'emmènes une personne que tu t'étais tapé en boîte horrible. Ouais, dur. On vient à manger au resto, je t'invite. Mais qui baisse bien et que t'as pas envie de laisser. Non, mais ça peut être sexy parce que moi, je trouve que c'est un côté sexy cet endroit. Non, moi ça m'angoisse. Non, ça m'angoisserait, mais tu peux te faire du pied. Une petite fellation sur la table. Je t'avais dit le coup de mon pote qui avait été là. Et puis le serveur à la fin, il fait putain, c'est quand même dégueulasse. Je suis désolé, on voit pas, c'est de la merde. Ouais. Et le serveur qui fait Je suis là. Juste derrière lui. Je suis derrière toi. Donc ça fait quand même, ça fout quand même les boules sans droit. Ah, ça fait flipper. Bah oui, bien sûr, mais ça peut. Je crois mais... que le menu est à 50 euros. Hein. Ah ouais, par contre, c'est pas donné, il paraît, hein, c'est clair. Non, non, mais c'est super rush. Hein. Vraiment, vraiment. Faut aller au bar de glace. Ça, c'est trop bien. L'ice bar. C'est génial. Mais ça, je voulais trop y aller, j'ai jamais allé. Et les shooters, c'est des glaces. Ouais. Tu bois ta vodka et après, t'exploses ton verre par terre. Mmh. Mais tout est en glaçon, c'est génial. Mais ça aussi, c'est 35 euros. Avant, 35 euros. Ouais, mec, doudoune et tout. Et après, quand tu prends en plein cagnard, c'est pas avec l'alcool que t'as pris, mais ça te fout une claque. Et c'est où? C'est pas dans le 17ème? Oui, non, c'est oui. Vers Châtelet tout, non? Non, c'est rive gauche. Non, rive droite. Rive droite, pardon. Rive droite, mais c'est même plus la rive, là, c'est carrément vers. C'est vers chez nous, Pierre. Ouais, c'est 35 euros, et ce qui est bien, c'est que t'as différents étages avec des. Les températures augmentent et descendent. Si tu vas au premier étage, t'es au moins 10, je crois. T'as moins 10 degrés. Ouais, et tous les serveurs, ils veulent trop y aller. Ils travaillent, mais je crois qu'ils font des roulements de. Ah bah oui, temps que l'organisme. Mais tu peux pas rester là-bas longtemps. Au bout d'une heure, ils te demandent de partir, je crois. Le nombre de personnes qui tombent, surtout l'été, parce qu'ils veulent aller se rafraîchir, mais comme disait Pierre. Sans qui les trucs, ils tombent, bang, avec le contre-coup. Bah, bien sûr, surtout tu cuves parce qu'il caille, et puis après tu sors, il fait 40 dehors, boum, tu te prends une belle, belle patate dans la gueule, et, quand même. C'est 88 mètres carrés et 35 tonnes de glace pour sa conception. Putain, quelle pollution. Et c'est un hôtel également, tu peux dormir là-bas. Ouais, tu peux dormir. Hein. Quelle pollution, c'est dur. Bon, Mathieu, non mais c'est vrai. Mathieu qui est de retour donc avec son problème d'école, il y a Jérém qui voulait réagir. Allô, Jérém. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, toute l'équipe. Salut, Jérém. Très bien. Bah ça va bien, tranquille, Jérém, et toi? Bah écoute, ça va, parce que bon, bah j'ai mis 3 heures pour rentrer chez moi parce que il y a eu un accident de voyageurs sur les voies RER. Oh merde. Ils font chier. Et le mec est mort, mais tu le hais, tu sais. Espèce de con, t'as choisi ton jour aujourd'hui. C'est l'horreur, ça. Mais ça m'attriste au contraire. Ouais, bah non, mais t'as raison. Bah, non, mais t'as raison. Pour le coup, les gens qui râlent et tout, c'est pas normal de râler. C'est relou. Mais c'est surtout que faut comprendre, parce que dans plein qui râlent, pensant que c'est genre la RATP, mais que dalle, c'est que bah quelqu'un qui est mort, il y a forcément une enquête de police. Et du coup, bah vu que sans rentrer dans les détails, y a un mec écrasé par un train ou un RER, c'est pas top à voir, quoi. Donc c'est police scientifique qui débarque. Qui font des analyses, quoi. Enfin, tu vois, et pour savoir si le mec est tombé, a été poussé, comment il est mort, machin. Donc c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est pas style bon, ramasser les morceaux, faut que ça reprenne le trafic là. Enfin non, quoi. Il a fallu 4 heures pour que le trafic. Putain, 4 heures. T'imagines mon pauvre là, comment tu as ta soirée de merde là. 4 heures. Bah pour dire qu'en même temps ça s'est passé à 15 heures. Je suis sorti du travail, était 18h20, c'était toujours pas résolu. Ah putain. Et heureusement que c'était pas. Imagine à 15 heures tu finissais plus tôt là, t'avais pris ton après-midi. Mais là tu l'avais vraiment dans le. Non, parce que j'ai fait un sacré détour. J'ai dû aller à l'autre bout de l'Île-de-France et prendre un bus qui refaisait toute l'Île-de-France. Oh putain. Donc 3 heures de transport au lieu de 30 minutes. Ah vachement sympa. Et c'est quoi alors, c'est accidentel ou c'est meurtrier? Ouais c'est ça. Ou alors il s'était suicidé hein. C'est quoi? Oui c'est ça. Ah c'est un suicide. Putain dur. Oh, c'est dur. Donc, ah ouais, c'est bon, très dur. Mais bon. Bah, malheureusement, c'est de pire en pire. Il y en a eu un ce matin, il y en a eu un ce soir. Bah, c'est bientôt Noël. Les gens, ils partent avant de faire des cadeaux, quoi. Non, mais bien sûr. Mais après, en même temps, tu sais, franchement, moi, les gens qui se suicident, j'ai pas trop de peine parce que, tu sais, s'ils veulent se suicider, bah, s'ils ont réussi, tant mieux. Oui, au final. Non mais tu vois, c'est mec pas pragmatique, quoi. Mais non, mais si le mec il veut se suicider, tu sais, s'il réussit, bah voilà, si le mec il voulait, si c'était son souhait d'en finir, bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais après c'est une grande détresse et je pense que il aurait peut-être pas voulu forcément crever, quoi. Non mais je dis pas le contraire, bien sûr. Peut-être qu'il aurait voulu que le train, tu sais, il lui passe juste légèrement dessus, ouais, pour que toutes ses proches disent oh mon pauvre, alors ça va pas bien. Hein. Bah non. Ouais non, alors bah que c'est le mec, vrai. Il est broyé en mine là. Bien sûr. Bon, Jérém, sinon toi tu voulais réagir donc par rapport à Mathieu? Tout à fait, puisque j'ai entendu dire que Mathieu n'était plus du tout motivé pour travailler, pour obtenir le bac, et comme il voulait faire un métier artistique, j'ai entendu dire un petit peu que Cécile avait parlé de voie de secours qu'il devait avoir derrière lui. Donc, je sais pas en tout cas, mais en tout cas, moi, ce que je peux lui conseiller, c'est que moi, j'ai été dans une situation, où j'étais dans une classe où j'étais pas motivé, j'étais en troisième techno, ce qui correspond un peu à une troisième technologique et non plus générale. Ouais. Ah ouais. Donc j'étais, on va dire, mis un peu de côté déjà, je me suis senti mis de côté. Ensuite j'ai fait un BEP comptabilité. Alors là, je peux vous promettre que j'étais plus du tout motivé, c'est que je travaillais même plus, je me levais le matin, mais il me fallait 1h30 pour me réveiller parce que j'avais même pas envie d'aller en cours. Ouais, t'étais saoulé. Je ne travaillais pas. Donc j'ai quand même eu le BEP compta vraiment de justesse et par chance, parce que je me suis dit bon allez, j'ai pas quand je même. Je prends ma calculette. Non mais j'ai pas pris 2 ans. Je me suis dit je vais pas perdre 2 ans pour rien, je vais quand même au moins l'avoir. quitte à ne pas travailler énormément, au moins juste l'avoir. Je l'ai eu, je suis allé en bac professionnel donc devant, donc là j'ai complètement changé de filière. Donc après j'étais un peu plus motivé, mais moi ce que je voulais faire c'était de la programmation informatique, donc créer des logiciels et tout ça. Et on m'a dit, vers la moitié de l'année, ben en faisant ce bac, vous ne pourrez pas y aller. Oh merde, ah, merde. Ça c'est très dur. Alors oh, c'est drôle. La démotivation complète, larmes aux yeux pendant presque une semaine, plus envie de travailler. Je me suis dit, bon allez, je vais quand même travailler parce que bon, bah, c'était mon bac. Je me suis dit, il faut avoir un bac vu que ce qui se passe en ce moment, de toute façon, bah, si on n'a plus de bac, malheureusement, bah, on trouve très difficilement. Donc je l'ai eu. Après, qu'est-ce que je me suis dit? Il n'y avait qu'une possibilité, je faisais un BTS MUC, donc c'est une management des unités commerciales, donc c'est-à-dire qu'on est manager, on gère une équipe dans une grande surface, donc ce qui était la suite à la base de mon bac pro. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je pouvais quand même faire ce BTS informatique, donc je n'ai fait que 3 semaines au mois de septembre dans le management, et en fin de compte, j'ai pu aller en informatique, et comme quoi, ah, cool. Si je m'étais pas accroché depuis plus de 5 ans, même un minimum, je n'aurais jamais pu arriver là. Ah mais c'est ça, hein, il faut toujours, faut toujours aller au fond, hein, ouais, hein, Mika. Bah, faut toujours aller au fond. Il faut aller au fond des choses. Ouais. C'est là. J'ai envie de lui dire sérieusement, c'est, faut vraiment pas que tu lâches, parce que au contraire, peut-être que pour toi là, la situation est pour toi perdue, comme elle l'était pour moi pendant 5 ans, et c'est vrai qu'à un moment, bah, tu vois, Pierre, il faut arrêter de suivre aussi ce que les gens te disent, oui, les centres d'orientation et tout ça, qui m'ont surtout mis dans des filières où il ne fallait pas que j'aille, surtout, il faut que tu te renseignes directement toi-même auprès des écoles, et que tu continues à travailler, parce que même s'ils disent, il vous faut telle bague et que tu ne l'as pas, si tu as une bonne note au bac, sérieusement, ils peuvent te prendre. Et tu sais, c'est vrai qu'il y en a plein qui parfois te démoralisent tout le bordel. Moi, je sais que j'avais commencé un jour, j'avais été, c'était avec Tof, c'est le jour où je l'ai rencontré, dans une petite radio locale à Bruxelles, mais tu sais, un truc, c'est une asso, quoi, une associative. Et donc, on avait été là pour proposer une émission, et tu sais, on avait fait une démo, et, tu sais, c'est la première fois qu'on faisait de la radio, hein, et donc le mec, au lieu de dire, bon, bah, tu sais, même s'il avait pas, ou qu'il trouvait ça mauvais, ils disent, ouais, bon, bah, écoute, moi, je vous verrai pas là-dedans. Enfin, tu sais, il donne des conseils, il est pour ça, au final, le oui, mec. Bah, hein. Oui, c'est clair. Non, non, le mec violente, c'est directement, voilà, c'était pas bon, vous n'avez aucune chance là-dedans, cherchez autre chose. Comme, oh, c'est sympa, comme taf. Non, mais ça, et c'est tu te dis merde, violence. Putain. Et l'enculé, une semaine après, je commençais sur Fun. Ouais, c'est donc, ça. Donc, tu vois, je lui ai bien fait un gros fuck, là. Mais le nombre là. D'acteurs qui se sont fait recaler comme ça, qui aujourd'hui cartonnent par les mecs. Moi, c'est les pareil, il y a deux personnes. Ma prof de français du lycée, cette espèce de pute, là, si je la croise. Et un ancien, ami, mais on en avait parlé, des coups de pute entre les potes, qui m'avait, lâché, mais, genre comme une merde, qui me dit, oh, mec, moi, si tu veux, je vais être à Paris, après, je partirai à New York, parce que cinéma, tous les délires, enfin bon, toi, t'auras une petite vie misérable et tout. Et le mec, il fait de la merde aujourd'hui. Il fait rien de sa putain de vie, j'aimerais le croiser aujourd'hui. Ouais, mais non, mais non, mais bien sûr. Pierre, pour te dire surtout que moi aussi j'avais un prof dont je tairai le nom qui m'avait dit que je ne serais bon qu'à être un jour un SMICA. Donc déjà c'est vrai que ça m'a complètement démotivé. Donc c'est pour ça que les gens qui disent oui moi je vais faire de grandes études, je vais faire ci, je vais faire ça et toi tu feras que si, faut pas écouter parce qu'en fin de compte des fois il faut n'écouter, gros, il faut n'écouter que soi-même, c'est pas plus compliqué. Non mais c'est vrai pour le coup. Moi il y avait un prof, cet enfoiré, Piaya il s'appelait. Si tu m'écoutes. Je voulais dire un gros mot. Je peux le dire? Ah, tu peux le dire en anglais. Vas-y, vas-y. Son of a bitch. I fuck you, Piaya. Grosse merde. J'étais les trucs dans lesquels j'étais pas douée, c'était tout ce qui était maths, physique et tout, parce que je suis allée en littéraire. Et en seconde, je crois, ou en première, physique, on partageait avec les ES. On faisait L, ES dans la même classe, donc on était genre 45. Et on fait mais c'était première parce que c'était le bac blanc. Il rend les copies. Et cet enfoiré, mais je m'en souviendrai toujours, c'est pour ça que je voudrais le croiser pour lui mettre une grosse patate. Il, ça arrive à moi, donc moi je le savais pas, il dit dans tous les villages, il y a un idiot. Ben là on a notre idiot du village. Oh, je crois que à ton bac de physique. Mais je t'encule parce que j'ai eu 15 au bac, connard. Voilà, c'était enfoui en le moi depuis la première. Ça fait du bien ou pas? Je déteste ça, les profs, tu sais, qui essayent qui vraiment pas de t'aider. Ouais. Et non, mais qui te ridiculisent. Mais va te faire voir, c'est t'as un âge où t'es hyper vulnérable, non, et tout, les gens ont pas confiance en eux. Tu ridiculises pas les gens devant une classe, même les gens les moins doués pour le coup. Bien sûr. Matt, reste là 2 secondes. Jérém, bouge pas non plus. Il y a Guillaume et Teddy qui voulaient réagir aussi. Il y a Loïc qui voulait donner son avis par rapport au handicap. On aura aussi quand elle veut, hein, le sosie de Pamela Anderson. Aldine. Non mais elle vient quand elle veut, mais c'est juste que dans une heure finie, quoi, tu vois. Bon, allez, on se met la pub derrière Katy Perry, restez là, on revient. Katy Perry avec Teenage Dream à l'instant sur Gob Radio tous les soirs. On est là ensemble entre 20h et 23h avec Usher tout à l'heure avec DJ Golas Falling in Love. Il y aura aussi My Chemical Romance, ce sera Nanana qui va débarquer aussi d'ici quelques minutes. Et puis d'ici quelques minutes aussi on devrait avoir Elisabeth, donc mais pas la Elisabeth qu'on prend d'habitude hein, Elisabeth Anderson. Elisabeth Anderson, ouais, c'est ça, c'est la sosie donc de Pamela Anderson qui est déjà passée sur TF1 là avec De Chavannes, c'était l'année dernière le truc des sosies. Bon, ce qui est cool, c'est que du coup, comme je suis le sosie de David Charvet, ça va le faire quoi. Attends, laisse-moi regarder là. Ça ferait longtemps que je t'aurais sauté dessus, hein, c'était ça. Non, pas là, non, hein, pour le coup. Hein. Quoi, je ressens pas un peu à David Charvet. Tu sais que c'est l'homme de ma vie, c'est grave, hein. Ah putain, t'as vu quand ça, vu c'est la femme célébrité. Non, mais non, c'est pas l'homme de ma vie, juste l'homme d'une nuit. Oh, c'est beau. Ah oui, d'une nuit, éventuellement. Ça, c'est super beau. Bon, allez, retour avec Loïc maintenant. Loïc, pour parler des handicaps, on reparlera avec bien sûr Mathieu dans un instant par rapport au bahut. Salut Loïc. Oui, salut. Ça va? Bien et toi? Ouais, voir, déjà je voudrais te dire parce que c'est vraiment, pas grave, un grand bravo d'être venu chez Goom quoi, parce que je connaissais pas ce radio sans déconner. Et je trouve que c'est vachement mieux qu'énergie, on peut vous parler plus facilement, non mais honnêtement. Eh bah écoute, c'est gentil, c'est gentil Loïc. C'est plus pratique et tout, et moi je dis que ouais, c'est sympa de faire évoluer des radios comme ça, quoi. Ah bah c'est gentil, écoute. Merci Loïc, ça beaucoup, fait plaisir. Merci beaucoup Loïc. T'as quel âge Loïc? Moi j'ai 18 ans et justement je t'es dans quelle ville? Auxerre. D'accord, Auxerre, très bien, parfait. Ah, Auxerre qui a gagné ce week-end. Oui, elle a gagné, ouais. Donc voilà. Et je voudrais juste te demander un truc. Vas-y. Je sais pas, je connais un pote dans le monde de la radio, je sais pas s'il travaille toujours chez vous. Qui ça? Jérôme. Comment, Jérôme? Il y en a beaucoup, tu sais, des gens. Où ça, à Goom? À Goom? Ah oui, mais je sais pas son nom de famille, mais je sais que, il paraît qu'il est plus là, mais on n'en sait rien. Mais, on sait rien, c'est la légende urbaine. C'est ça, les légendes urbaines. Il a travaillé chez Fun Radio Bourgogne. C'est possible, il y a beaucoup de monde, hein, malheureusement. Si t'as pas son nom de famille, en plus, c'est plus compliqué, hein. Ouais, c'est un animateur? Ouais, c'est un animateur. Non, il y a pas de Jérôme, je crois, à l'anime ici. Il y a pas de Jérôme. Je pense qu'il t'a raison. Il est DJ aussi, non? Oui, il est. Yes. C'est Delight Official. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est Jégoum. Ouais, c'est Jégoum avec Steve K. Ils faisaient des duos et tout ensemble. Et bah, il est toujours là. Bah, tu lui passeras le bonjour. Et bah, écoute, très bien, parfait. On lui passera le bonjour. Il y a pas de souci. Ouais. Bon, tu voulais réagir au handicap, toi, Loïc, parce que par rapport à la nouveauté là, qu'ils ont fait, là, apparemment, c'est des Allemands, des chercheurs, des médecins allemands qui ont fait une belle avancée dans le domaine des implants électroniques rétiniens, donc qui sont destinés à rétablir une perception visuelle chez les aveugles. Attention, perception visuelle. Les mecs vont pas voir du jour au lendemain on/off, hein. Mais c'est quand même un pas en avant, quoi. Non, mais c'est vrai. S'ils arrivent à faire ça, bon, c'est sûr que le problème de l'handicap, que ça soit n'importe quel handicap, de toute façon les avancées sont toujours trop longues selon nous. S'ils arrivent à faire ça, ils vont arriver à faire autre chose. J'ai vu il y a des années qu'ils avaient fait, aussi des voitures qui pouvaient conduire tout seul et tout. Ah, ça y est, ça marche. Hein, ils ont déjà fait, les essais. Hein. Donc c'est pas mal. Ouais. T'es même pas obligé d'avoir le permis, quoi. T'es pas obligé, non, mais. Oui, c'est ça, mais c'est parce que t'as pas l'habitude aujourd'hui. C'est comme les gens qui disaient, ouais, moi, jamais je pourrais laisser une voiture rouler entre guillemets seule. Bon, tu sais, aujourd'hui avec le cross control, bon, bah, moi, je le mets, hein, tu vois, j'en ai à foutre. Ouais. Non. Tu vois, mais si. Bah, le cross control. Mais non, mais elle roule toute seule, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as calée à la vitesse que tu veux, bah, tu peux lâcher l'accélérateur, elle avance quand même. Ça, c'est génial. Tu vois? Ouais, mais t'as confiance, parce que il paraît qu'avec les Velsatis tout ça, j'ai pas une Velsatis, donc déjà ça arrange le problème, voilà, c'est de l'électronique, tout marche électronique aujourd'hui, il y a des bugs, ça peut arriver, c'est évident. À côté de ça, c'est pas automatique, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Bah voilà. Bon, et donc c'est quoi les handicaps dont tu voulais parler? C'est juste pour réagir par rapport à ça? Non, c'est à propos du mien aussi, parce que j'en ai un, voilà. C'est quoi ton handicap? En fait, j'ai du mal à marcher, j'ai des petits problèmes de vue aussi, mais moi je dis qu'on est vachement mal aidé dans la société, quoi. Non, mais je suis d'accord. Je me disais ça la dernière fois, rien que dans, après je sais pas, t'es pas à Paris toi, donc je sais pas comment ça se passe dans ta ville, mais à Paris je me disais pour les handicapés moteurs, pour le coup le métro c'est juste impossible. Ouais, tous les escaliers, tout le train comme ça. Je reviens sur c'est la Tour Eiffel, c'est même la ville de la France qui représente la France. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Même la capitale est même pas capable de s'adapter. Après, quoi. La Tour Eiffel, ah, c'est compliqué parce que c'est un vieux monument, donc tu sais, il faut voir. Après, je suis pas architecte. Mais au moins les métros, les trucs comme mais, ça. Mais les métros, par exemple, pour le coup, tu vois, tu vas à New York, t'as aucun problème. Hein. C'est-à-dire que si t'es en chaise roulante, tu vas où tu veux. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que tous les trottoirs, t'as une espèce de petite pente, mais tous, hein, il n'y en a pas un où il y en a pas, des petites pentes. Dans les magasins, ils ont tous, et c'est obligatoire, une porte spéciale ou un mini ascenseur si jamais il y a des escaliers pour que tu puisses rentrer. Tout est à plat, et si c'est pas à plat, t'as une rampe à un moment ou un autre, t'es obligé de pouvoir passer partout. Parce qu'ils ont pris des amendes, en fait, à l'époque, quand des procès, quoi. Tu vois, le mec qui était handicapé, bah, il disait, ouais, mais bon, j'ai envie d'aller chercher un burger, je peux pas y arriver, quoi. Voilà, c'est moi ce que je trouve grave, c'est que, pour revenir à ce que tu disais, c'est que au Parlement, les gens, ils racontent des conneries, ils vont penser à des lois, alors que le plus simple, c'est de, il y a des choses très importantes comme les handicapés en France, et c'est très grave que Paris aujourd'hui. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un handicapé au Parlement pour qu'ils comprennent vraiment. Mais non, c'est grave qu'on en vienne à ça. Il faudrait faire comme les US, c'est-à-dire tu portes plainte et t'inquiète pas qu'ils vont tous le faire. Hein. Ouais, sans doute. Dès qu'il y en a un qui va cracher, ils vont se dire oh putain, ouais, si j'ai pas envie de cracher, je vais faire le ouais, il faut truc. Taper dans le porte-monnaie. Exactement, pour les Français. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, mais le problème qu'on se disait avec les boss, là, c'est que le problème, c'est qu'on ne doit pas être assez sur Terre et en France pour faire la force, quoi. Voilà, bah si, parce que regarde, aux US ça a bien marché, hein. Regarde aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont accessibles pour les personnes handicapées. Non, et puis hein. Logiquement, bah, Loïc, tu vois ce que je veux dire. Faut encore gueuler, faut encore faire. Ah bah oui, non mais de toute façon t'es en France, hein, donc il faut gueuler. Hein. Pour que, voilà. Ah bah oui, non mais ça c'est évident. Non mais ça je suis d'accord avec toi, mais ça y a pas d'autre solution, hein. Il faudra gueuler. Hein. Ouais, d'accord. Mais bon, on est rejeté. Enfin moi je veux pas, mais je trouve qu'on est rejeté dans pas mal de trucs. Mais tu as tout à fait raison. Bon alors déjà pour le travail là. Déjà d'une, parce que les employeurs, ils pourraient non nous embaucher, ils ont des aides. Non, mais là, il y a un quota, c'est le quota REP. 5%. Bah, c'est ça, 5%, c'est comme nous, on a pris mini. Hein. Voilà. Ouais, mais ils préfèrent payer les amendes, il y en a. Ouais, après, t'en as qui préfèrent payer les amendes. Ouais, mais de moins en moins, parce que là, c'est horrible de dire ça, mais c'est devenu obligatoire dans toute entreprise, tu dois avoir. Non, mais justement, il y en a qui préfèrent payer les amendes. Ouais, voilà, mais c'est rare. Regarde, un exemple. Vas-y, par exemple. Moi, je veux bosser dans la radio. Ouais. Parce que je veux devenir animateur et tout. C'est là où j'ai connu Jérôme et tout ça, l'équipe là. Ouais. Et comment je vais faire, honnêtement? Comment ça, comment tu vas faire? Bah, honnêtement, tu crois, honnêtement, je vais t'accepter comme ça, en sachant que, bah, parce qu'il faut tout le temps prouver sa. Le problème, c'est qu'avec un handicap, c'est que faut toujours prouver plus que les autres et tout. Voilà, c'est ça le problème. Bah, c'est pas forcément ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec une meuf, pour le coup, qui était effectivement handicapée à l'époque. Je te parle de ça il y a longtemps, hein. Mais, ouais. Mais voilà, elle avait aussi un handicap, notamment, elle était en chaise roulante, par exemple, tu veux. Et, bon, bah, voilà, elle bossait avec nous. Et puis, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, hein. Ouais, mais tu peux tomber sur des cons. Hein. Non mais tu sais, un handicap, c'est la même chose que d'être. Enfin, je dis la même chose. Je mets des guillemets évidemment, mais par rapport à certaines personnes, c'est la même chose que d'être arabe ou black ou juif. Tu vois, ils font ça et ah non, bah ouais, non, toi t'es comme ouais, ça. D'accord. Alors je te mets dans un coin parce que j'ai pas trop envie. Mais enfin, il y en a pour qui être rebeu, c'est un handicap. Hein. Bien sûr, tu vois. Ouais, je sais. Ouais, c'est pour ça que maintenant les CV, tu peux les envoyer sans les photos. Ouais, sans les photos et sans rien en fait. Voilà, pas nominatif, je crois. Mmh. C'est ça. Hein, ouais, ouais. Tu peux envoyer un CV genre même sans ton nom et tout quoi. Ah, mais c'est quand même grave qu'en France on est en 2010, on soit obligé de changer d'identité parce que tu sois. Oui, mais c'est hallucinant et même pour toi c'est. Après, il y a des métiers qui je sais pas. Merci. Revenir à Loïc, c'est vrai que c'est compliqué. Si t'as envie de faire animateur radio, t'auras peut-être une chance, donc désespère pas. Non, mais même bien sûr, mais attends. Et puis dans le métier d'animation, il y a pas que animateur. Ça veut dire qu'il y a des producteurs, il y a des. Non, mais parce qu'il voulait être animateur, lui, c'est pour ça. Il est pour animateur, pareil. Après, je veux dire si. Mais c'est clair qu'après, ça passe par la voix, la diction et tout. Non, mais bien sûr. Par exemple, un mec. Mais regarde, il y a même des mecs bègues qui font du théâtre alors qu'ils sont bègues. Non mais surtout t'as des mecs bègues, j'en ai connu un pour le coup qui travaille encore sur la radio aujourd'hui, mais bon, qui est bègue et dès qu'il est à l'antenne il est plus bègue. Bah, ouais, c'est ça. Ah oui, exactement. Mais comme l'acteur là. Vincent Lindon. Le cas qu'on donne tout le temps, mais c'est ouais, vrai. Il est tiqué à la mort. Il est tiqué grave, il bégaye et tout à mort, mais vraiment. Une fois qu'il est dans un personnage, un rôle. Dans la vie et tout, et dès qu'il est face à une caméra, il y a tout qui part. Mais c'est une thérapie. Comme Céline Dion avec l'accent canadien quoi. Quand elle chante. Dès qu'elle chante, bon. Elle. Mais c'est des thérapies, hein. Peut-être que c'est ta thérapie, ça sera de parler derrière un micro et avec de l'entraînement, ça passera, ça passera, mais t'arriveras. Non, ça me fait kiffer. Moi, bon, bon, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire comment dire, juste pour déconner, parler avec des animateurs, de déconner, lancer des titres et tout, mais ça, je veux dire, parce que ça, je sais que. Ça fait des maquettes, mais ça, c'est sûr que je vais les garder. Mais après, le problème, c'est que moi, j'ai deux branches. C'est soit je suis animateur, soit DJ. Ouais. Le problème, c'est qu'au niveau des deux, il n'y a pas de chemin plus facile que l'autre. Non, mais attends, tu sais que j'ai un pote, je parle toujours lui-même parce que c'est le seul que je connaisse au final, qui est aveugle. Le mec, il est animateur radio et il est DJ hein, en boîte de nuit, hein. Et il mixe tout seul, il vient avec ses CD et il vient pas avec son propre matos, hein, il s'adapte à chaque fois sur le matériel qu'il a et il est DJ et il y a aucun problème. Hein. Loïc, je suis pas psy et tout, mais je pense que c'est aussi un problème de confiance en soi parce que t'es encore jeune, t'as quel âge, t'as 18 ans? 18, ouais. Voilà, je pense que je pense que le pote dont parle Mickaël, il est passé par cette étape aussi d'avoir le regard des autres, d'avoir comment je vais faire, machin et tout. Si tu veux, c'est pas compliqué, Loïc. Comme t'as un handicap et lui aussi, je sais qu'il aime bien en parler. À la limite, parce que là maintenant, je sais qu'il il se couche tôt, enfin, il se lève très tôt aussi. À la limite, on te rappelle demain et j'essaierai de le prendre demain vers 8h, comme ça on peut en parler avec lui. Ouais, et lui pour le coup pourra vraiment te donner de bons conseils parce qu'en plus de ça il bosse dans la branche dans laquelle tu voudrais bosser. Il a aussi un handicap qui est quand même relativement lourd puisqu'il est aveugle de naissance. Ouais, donc tu vois, si tu veux, il y a quand même pas mal de trucs. Donc, Loïc, on va demander à Vincent de garder ton numéro et on te rappelle demain soir vers 8h. D'accord, bah demain. D'accord, bah on fait comme ça marche. Salut Loïc. Bisous Loïc. Allez, ciao à toi. Ciao Loïc, bonne soirée. Allez, bye. Et on revient dans un instant avec Mathieu donc pour le bahut et puis avec My Chemical Romance qu'on écoute maintenant. C'est Na Na Na sur Goom Radio. Na Na Na sur Goom Radio tous les soirs entre 20h et 23h. On est là avec Usher tout à l'heure et toujours 0-0 hein, pour le PSG face à Dortmund. Ça va finir sur un vieux 0-0, ça va tout. Ouais, ça va puer ça. Bah ouais, il y a Anderlecht qui joue aussi pour Bruxelles donc face à la AEK Athènes. C'est aussi 1-0-0, 3-0 pour le FC Séville, 1-0 pour Porto toujours, 2-0 pour le PSV Eindhoven et puis 1-0 pour Stuttgart face à Retafe. Bon, retour avec Mathieu pour terminer là. Mathieu qui nous avait appelé par rapport à ses problèmes de bahut là, il voulait changer. Il y a Teddy qui voulait donner son avis aussi. Salut Ted. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Salut. Ça va très bien. Bon, bienvenue à toi Teddy. Tu voulais réagir à Mathieu toi? Tout à fait. Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire? Mathieu, j'ai fait 6 ans de lycée. Ouais. Donc, à quoi être démotivé pour la suite? J'ai redoublé ma seconde, alors que j'avais 12 ennemis. Ah oh merde, mais pourquoi ils t'ont fait ça? Pour la discipline? C'est une prof qui m'aimait pas. Ah, oh, c'est dur ça. Oh, j'ai eu une heure d'école dans toute ma vie pour l'instant. C'est pas mal. Bah, bravo. Et j'ai redoublé ma terminale avec 12 de moyenne à cause du bac, 9,56. Donc, j'ai recommencé. Ouais. Et j'ai 21 ans, je suis qu'en première année d'université, donc. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, y en a qui ont 29 ans qui sont toujours en première année. Ça va très bien. J'ai un pote qui est du même âge que dans mon groupe, donc ça va très bien. Ah bah ouais, faut pas qu'il se démotive. Sans le bac, après, t'as rien. Donc, même avec un bac plus 3, c'est déjà difficile d'avoir quelque chose. Ouais, carrément. Donc, et le bac, et après, tu verras ce que tu veux faire. Et puis, en fait, surtout, je pense que c'est ce que tout le monde dit un peu depuis tout à l'heure, et je pense qu'il est vrai, c'est que ça dépend pas du lycée, quoi. À moins que tu sois vraiment dans un truc zone sensible où t'arrives pas, où vraiment on te tabasse parce que limite, j'en sais rien, moi, tu bosses ou que tu passes pour un faillot et tout. Si c'est juste que ton lycée te lourde, bah, je pense qu'il faut pas te voiler la face, c'est parce que les cours t'ont saoulé et pas parce que tu bosserais mieux ailleurs, tu vois. Ah, voilà. Non mais si après, non, c'est, mais après la raison, c'est... Hein, si effectivement ça te fait chier, un truc qui te fait chier, tu te fais mal, hein, y a pas de bonne miracle. Hein. Après c'est quelque chose qui va pas dans les cours ou quelque chose, faut aller voir les profs et dire ce qui va pas. Les profs sont toujours aussi là pour aider. Ah mais le problème, faut quand même réussir à entre guillemets être bon dans toutes les matières quoi. Parce que toujours on à cause pas, on peut pas être bon dans tous les matières. Non, tu peux pas être bon dans toutes les matières, mais le problème c'est que comme tu dis, tu peux rater ton bac à cause des maths, à cause de l'anglais, à cause du français et voilà, ça fait chier quoi. Ou la philosophie qui ouais, est... mais c'est tellement alors ça rien. C'est tellement aléatoire. Moi, j'ai eu mon bac L, je veux te dire, je pense que c'est le bac le plus aléatoire de des trois séries parce que tu peux très bien plaire à un prof dans ton écriture et à un autre le contraire. Moi, j'ai une copine dans le même jury. Il y en a une, elle avait eu 1 en philo à son bac, l'autre elle avait eu 19. Bah donc, pour te dire, donc c'est vrai. Après, t'es en L toi? Non, j'ai fait S. T'as fait S, bon, ouais. Bah, j'avais fait un rattrapage en physique chimie. J'avais une 9-20, j'ai fini à 9,56. Et c'est vraiment physique. Des chiens, ils te l'ont pas donné parce que t'avais un sale dossier parce que. j'avais non même pas j'avais pris physique chimie au rattrapage. Ouais. Et j'ai vu que j'avais réussi les trois quarts. Elle m'a dit c'est bien, t'as réussi les trois quarts de ce que je te demandais. Et quand j'ai regardé la feuille à la fin dans le hall, zéro point en plus. Ah la pute. Voilà. Non mais là tu peux tomber. Moi j'ai passé mon bac au rattrapage l'anglais, j'étais tombée. La meuf il me l'a... genre il me laissait j'avais deux points. Il me manquait deux points, ouais, pardon, deux points. Et la meuf, non, elle me les a pas donnés. Elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a dit, allez, va te faire un petit tour à Londres, ça va te faire du bien. Non, merde. Pour deux points, ça, c'est-à-dire ah bah, que je suis sortie. Deux points, quand même. Non, mais deux points, coefficient, coefficient 4, c'était, je crois. Ouais, coefficient 4. Donc 0,5, quoi. Ouais, voilà, elle aurait pu me les donner. Et la meuf, elle m'a tapé, en plus, elle m'a nargué. Je suis sortie de là, mais j'avais envie d'arrêter l'école, de, voilà, et j'ai dû repasser pour l'anglais, mon bac, quoi, une année. Ça, c'est dur. Ça, ça arrive à beaucoup de monde, donc faut pas se motiver pour ça. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par ça. Ouais, mais c'est dur, mais du coup, tu te dis, putain, j'aurais pu faire enfin, parce que c'est vrai, l'école, si ça te plaît pas, tu te dis, enfin, tu passes le bac, tu vas pouvoir faire les études qui te plaisent, aller dans des centres de formation, selon ce que tu veux faire. Et à cause d'une matière, mais une matière, tu auras ton bac. Donc c'est bien pour ça. Moi, après, j'ai passé en candidat libre le bac, et je l'ai eu, mais avec des notes de fou, alors que j'allais pas en cours, hein. Donc ça après quelquefois c'est l'école qui ne te convient pas, alors à toi de choisir. Mais après il faut avoir quand même une certaine faculté à travailler seul chez soi, parce que candidat libre, moi j'étais en week-end le jeudi, je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi je faisais la teuf jusqu'au dimanche et après je reprenais le lundi, mais j'avais quand même 4 heures de cours intensifs tous les jours que je me faisais à moi-même quoi, et j'ai eu mon bac franchement avec des très bonnes notes. Ouais, bon c'est principal. Oui, mais j'avais 4 matières à rattraper, mais attends, en littérature. Juste pour terminer, il y a Jérém aussi qui a pas encore donné son avis, parce que après il y a Elisabeth qui voulait passer. Elisabeth, le sosie donc de Pamela Anderson qui arrive dans quelques instants. Vous avez remarqué que Mickaël n'est pas là, c'est lui qui gère, il fait le RP là ce soir. Hein. Oui, tu veux boire un truc, viens, y a pas de problème. Tu veux te changer, bien sûr, je t'accompagne dans les toilettes, y a pas de problème. Il est comme un ouf là. Bon Jérém, bonsoir Jérém. Bonsoir Mickaël, je t'ai déjà passé tout à l'heure. Ah t'es déjà passé, autant pour moi. Ben t'as encore un truc à ajouter? Oui, c'était surtout pour que qu'il n'abandonne absolument pas, et j'ai entendu dire donc via le Facebook qu'il voulait faire un peu de radio. Ah non, mais ça c'est Loïc, ça c'est autre chose. D'accord, bon. Ça c'est un autre. Mais ça on le reprend demain, Loïc, demain soir à 8h. Si les coups, je lui donne juste ce conseil avant de partir, c'est qu'avec les moyens technologiques qu'on a maintenant sur Internet, il peut très bien lui aussi faire une radio sur Internet et peut-être. Oui, c'est vrai. Oui. Puisque moi, ça fait un an et demi que j'en fais sur Internet, puisque moi, j'adore la radio et c'est une passion, mais ça ne m'empêche pas de continuer mes études, comme dit Cécile. Il faut toujours avoir sa voix de secours de son côté. Bien et sûr. Jamais lâcher. Non, mais donc, c'est clair, il faut toujours y croire, hein, c'est évident. Ouais. Bah, merci, Jérém, d'être passé. Je peux passer un petit message? Vas-y. Bah écoute, je ferai passer un message à Maïlis qui écoute la radio, un message aussi à Caroline, et puis à tous ceux qui sont sur le chat, et à ma famille surtout, bien entendu. Eh ben y a pas de souci, le message est passé. Salut à toi, Jérém, à bientôt. Bisous, Jérém. Ciao, et c'est Guillaume alors qui a... Ciao, Jérém, et c'est Guillaume alors qui a pas encore donné son avis. Guillaume. Allô. Comment ça va, Guillaume? Bien, et toi? Bien, bien. Donc t'avais pas encore donné ton avis, toi, il me semble, hein, c'est ça, hein? Non. Ça très fait bien. Une demi-heure que j'attends. Ouais, bah je t'ai confondu de ligne, hein, Guillaume, hein, ça arrive. Bon, Guillaume, tu voulais réagir, toi, à Matt, donc c'est quoi ton avis? Ouais, bah je voulais lui dire que bah dans les études, il y a tous un moment, une classe, on a plus de mal que dans une autre, quoi. Oui, bah c'est sûr, hein. C'est sûr, et puis il y a des profs, parfois, et tout, qui sont pas sympas avec nous. Et puis moi je voulais lui dire, parce qu'avant il parlait de redoubler et tout, et je voulais lui dire que franchement redoubler c'est pas un bon truc du tout, parce que moi j'ai redoublé une classe, et maintenant je suis dans une classe et je connais personne, j'ai aucun ami. Ouais, ça te fait chier, tu t'emmerdes un peu quoi. Ouais c'est ça en fait surtout. Bah oui, forcément. Non mais redoubler c'est peut-être pas toujours la bonne solution. Hein. Carrément. Ah non mais du tout. C'est ce qu'on disait, vaut mieux parfois, il y a des classes, genre la première faut pas la redoubler quoi. On m'a toujours dit ça, moi j'ai pas fait le lycée traditionnel, mais on m'a toujours dit la première c'est nul, il faut pas la redoubler, faut mieux redoubler sa terminale. Ah mais carrément. Hein? Pas du tout. Ah ouais? Vaut mieux pas. Ah bon, pourquoi? Après c'est la merde. Hein? Mais non, vaut mieux redoubler la terminale que la première, parce que la première donc t'as le bac français scientifique, donc des fois tu pars avec des points de retard. Donc en plus de ça, si tu pars avec des points de retard mais que tu redoubles ta première terminale, t'as des chances de rater ton bac. Ouais. Et tu redoubles deux années d'affilée quoi, c'est horrible. Eh ouais. Vaut mieux redoubler qu'une seule année et tout miser sur la terminale quoi. Ouais, vaut mieux passer direct. Hein. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux de passer surtout direct. Surtout que tu peux passer avec tu fais une demande en première, c'est toi qui décides. Oui, voilà, la première c'est pour ça. C'est toi qui décides et moi c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. J'avais bref une meuf qui hésitait entre redoubler ou pas redoubler, et c'est elle qui avait eu le choix et elle a dit bah moi je redouble pas la première, ça sert à rien. Voilà. Elle a bien eu raison, cette meuf. Et toi, du coup, tu penses que c'est une bonne chose de redoubler la terminale ou la première? Parce que j'ai... Hein? Avec qui? Quoi? Mathieu. Ah, ben, je sais pas, moi, je suis en seconde, en fait. Donc, a priori, la terminale, je pense, ouais. Ouais. Parce que si tu foires ton bac, ben, tu redoubles. Alors que la première, c'est super chiant, quoi. Parce que si après, tu refoires ton bac et que t'as redoublé ta première, en fait, tu redoubles deux fois, quoi. Et non, surtout, si t'es en seconde, réfléchis bien à la série que tu veux faire, hein, parce qu'après, tu peux plus reculer. Hein. Ah, vachement, parce qu'après, c'est un palier. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, mais ça, y a pas, de toute façon, c'est assez clair, parce que le seul endroit où je suis, enfin, où j'ai de super bonnes notes sans trop bosser, c'est en maths, quoi. Donc, Ouais, donc prends S. Ouais. Nickel. Surtout qu'S, après, ça t'ouvre les portes, tu veux faire médecine et tout, c'est bon, ça. Ouais, mais médecine, franchement. Bah, non, fais médecine, c'est rapide, ouais, et médecin. Trop long, là, trop long. Vas-y. Moi j'aurais dit chirurgien. Non, t'entends mal, toi tu vas juste allumer ton micro. Mon micro est... Non, puisque t'entends pas. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Essaye. Moi j'aurais fait chirurgien. Essaye quand même pour voir, on sait jamais. J'aurais fait chirurgien. Attends, parce qu'il démonte l'appareil là. Il est tête de linotte lui, hein. Ah non, mais ça c'est tête de mule en général, hein, parce que linotte c'est quand on oublie. Mais non, il oublie aussi parce que tu sais, il a oublié d'appuyer sur ce bouton donc. Non, j'avais appuyé sur le bouton. Non, t'avais pas oublié. Non, il va te mettre une patate, tu vas voir. Il peut en remettre une, je vais en mettre deux, moi, je m'en bats les couilles. J'en profite pour faire un bisou à Dorian, moi. Mais toi, tu fais la bise à tout le monde ce soir. Teddy, parce que je suis sympa. Teddy, merci à toi d'être passé, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ok, je peux passer un message. Vas-y. Ouais. Des dédicaces à Audrey de Kerlan, qui aime beaucoup Emily. Des bisous. On doit se palucher sur toi, Emily, c'est dingue. Ciao, bisous. Salut Teddy, salut Guillaume, et puis Mathieu, bah écoute, bonne chance un matin. Ok. Et puis écoute, tiens-nous au courant si jamais il y a quelque chose qui bouge. D'accord. D'accord. Okay. Ça marche. Ça marche. Okay. Bon, ça roule. Allez, à plus. Salut. Allez, ciao, Mathieu. Dans un instant, on aura Elisabeth qui va débarquer. Donc Elisabeth, donc c'est Pamela Anderson, à la française. Pamela Anderson, voilà, exactement. On fait ça dans un instant. Le temps d'écouter Usher maintenant. DJ Goddess Falling in Love. C'est parti sur Gaume Radio. Le son d'Usher à l'instant, Usher avec DJ Goddess Falling in Love sur Gaume Radio, tous les soirs entre 20h et 23h. On est là en direct évidemment sur Gaume, et puis ce soir on reçoit donc alors Elisabeth, la sosie donc de Pamela Anderson. Exactement, de Pamela Anderson. Exactement. Tout à fait. Comment ça va? Alors on t'appelle comment? Elisabeth, Pamela, Pam tout court, ou Pam. Pamela, c'est bien. Ouais, pour le week-end, si tu veux, moi après la semaine, tu me dis, hein. Elisabeth. D'accord, OK, très bien. Bon bah là on est au top alors. Alors première question avant de parler de quoi que ce soit. Vas-y, mon ami. Je voulais juste savoir s'il y avait un truc dont tu n'aimes pas qu'on parle. Non, parce qu'on a reçu Virginie Caprice la dernière fois. Ah, et je sais, oui. C'est vrai, pourtant il est sympa. Ah oui, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé alors au juste? Eh bah écoute, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il y avait sur la vidéo. Hein. Je comprends pas exactement pourquoi est-ce qu'elle a gueulé et pourquoi est-ce qu'elle s'est excitée toute seule. Donc voilà, c'était juste pour savoir si tu voulais, si je pouvais poser toutes les questions que je voulais, si oui, t'allais allez, pas, vas-y, si t'allais pas gueuler. J'ai pas de questions pièges ni rien, t'inquiète pas. Hein. Vas-y, vas-y. C'est juste, alors déjà première question quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel qu'il y a eu là apparemment sur le plateau avec De Chavanne là quand t'es arrivé nu, qu'on t'a foutu dehors? C'était drôle ça. Moi, non, parce que il y en a qui disent que on t'a demandé de le faire et au final t'as été banni, donc Vous parlez du premier? Ouais. Du premier. Donc non, c'est-à-dire j'ai participé à l'émission, on m'a contacté et quand on m'a dit que je devais faire le sosie de Pamela, je me sentais pas. D'accord. De faire le sosie, donc ils ont insisté et finalement après une fois sur place quand j'ai appris que je devais être buzzée, j'ai finalement voulu repartir quoi. J'ai dit je veux pas passer devant tout le monde et puis ils vont me jeter direct, ils vont se foutre de ma gueule quoi. Ouais, il y avait pas d'intérêt. Ah non, mais parce que donc avant ça tu te trouvais pas je voulais partir et c'est mon ami, mon copain qui m'a retenu. D'accord. Et c'est lui qui a eu l'idée de mettre quelque chose d'écrit sur ma poitrine et de le dévoiler en direct. Et moi, je me dis, mon copain qui me dit ça, la plupart du temps, quand t'es avec quelqu'un, c'est vrai, c'est... Mais il est con, pourquoi est-ce qu'il veut que je montre tout ça? Mais il aime il bien a un les truc regarder. À gagner. Ouais, c'est en 16:9 HD, il s'est de vie. Ça peut être cool. Ouais, c'est dommage, la 3D n'est pas sortie encore, ça, là, parce que ça aurait pu être un truc sympa, effectivement. Ça aurait pu être énorme. Ah bah, t'as vu, on va en 3D, ouais. Voilà. Non, mais alors, c'est du coup le deuxième passage où t'es... Alors, le deuxième passage, donc là, par contre, je devais aussi participer aussi à l'émission, donc j'avais des dates prévues pour tout le week-end. Et au dernier moment, quand j'ai fait la route, on me dit, écoute, un journaliste m'appelle, enfin je vais pas dire le nom, Pam, je suis vraiment désolée, tout ça, tu vas m'engueuler, tu vas gueuler, tout compte fait, De Chavannes ne voulait pas que je participe encore à l'émission cette année. C'est Victoria qui a pris ma place et elle voulait que je lui prête ma bouée. Vu que j'étais sur place, après, j'ai proposé d'aller dans le public, voilà, et là j'ai senti ma vengeance. Je dis, je vais être en bas. En plus, il voulait me faire Il voulait me, enfin, il voulait que je monte tout en haut des escaliers. Ouais, pour être quoi, sûr d'être derrière. Tranquille. Hein, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas monter en haut. Je risque d'être malade si je vomis sur quelqu'un. La personne qui va être devant, il va pas être bien. C'est du la, tout. La meuf relou. Ouais, écoutez, je vais gerber sur tout le monde. Vous comprenez, il faut que je reste en bas. Voilà. Autant que je gerbe sur le plateau. Ouais. Hein, tant qu'à faire, effectivement. Non, mais alors l'histoire qu'il y a eu, comme quoi après, la pro t'a demandé de faire ça et qu'après ils t'ont banni, c'est-à-dire quand ils m'ont contacté la deuxième fois, c'est eux. Journaliste, il m'a proposé d'accord. soit je montrais le haut ou le bas. Et moi, j'ai eu l'idée de faire aussi mieux de refaire Pamela Anderson, de faire le sosie de, on va dire, de Brigitte Bardot, un peu le style, ouais, voilà, ouais. habillé en jupette et par contre montrer mes fesses et puis écrire quelque chose. Ah, ils ont dit oui, c'est super sympa et tout, mais Victoria, je crois qu'elle n'a pas été du tout d'accord. Donc après, elle a eu le style de dire que je lui ai pris son rôle, quoi. Mais ouais. c'est elle qui avait pris mon rôle. Oui, connasse. C'est ça à la base. C'est ça à la base. Ouais. Toi, mais ça. Attends, parce que quand tu dis au début, c'est on t'a dit voilà, il faut au que début, tu fasses ce, oui. ce rôle-là, enfin ce rôle, ce oui. sosie-là. Donc ça veut dire qu'avant ça, tu te trouvais pas du tout Pamela Anderson. Ah non, du tout. C'est eux qui m'ont contacté grâce à des émissions que j'ai faites tout au début ouais. pour essayer de ressembler. Parce qu'avant, il y a pas mal d'années en arrière, j'étais, on va dire, une bouboule, plein de boutons. J'étais assez costaud et j'ai changé mon physique. Tu vois, Emily, hein en faisant oh, de ça. C'est marrant ça. C'est pas sympa. Marrant, elle est belle comme tout. Elle a les mêmes avantages, mais peut-être qu'un jour ça va pousser. Et en je plus, me dis... elle a un petit décolleté. C'est Mimi. Mais t'as vu, ouais. j'essaye, hein. Petit. Ouais. J'ai cru voir ses dents, mais je l'ai pas encore vu. J'essaye de te déballer un peu, oui. mais non, en fait. Non, mais c'est bien. C'est ridicule. Ouais, non, ouais. c'est ridicule, j'y non. vais. Non, je... non, non, faut rester. Mais non, c'est des vrais, toi, Emily, au moins. Oui, par contre. Oh, il y a du lait de corps et tout. Oui, c'est pour me. Mais tu te balades comme ça sur la plage? Sur la plage, non, non dans je la suis. Rue. Non, c'est simplement ouais, elle pour elle faire des petits happenings. Elle est bien dans un happening. Studio radio comme ça. Oui, c'est des petits happenings quand on me contacte maintenant d'accord. pour des petits happenings. Voilà, je fais mon petit divertissement. Voilà, j'arrive. D'accord. Maintenant, on me demande à chaque fois dans des émissions de télé. Voilà, pour faire un petit peu ma petite fofolle, j'arrive en maillot de bain rouge avec la bouée. C'est bon ça. Et puis moi, c'est un bon délire, je m'éclate quoi. Non, mais ça peut être un personnage aussi, t'es plus ressemblante en, avec le maillot, le truc et tout. J'ai déjà fait la doublure du corps, que le corps, hein. Ouais. Pas le visage, ouais, la doublure de Pamela Anderson. D'ailleurs, je l'ai rencontrée. Elle m'a ah, justement, pas voulu. J'allais te demander si elle tu l'avais déjà rencontrée. Elle a pas voulu me faire la bise. C'est vrai, pas c'est pas vrai. Avec elle moi. Était jalouse. Ah. Elle m'a nié. Et j'avais pris ma petite chienne avec moi, parce que j'ai un petit chien, vous savez. Oui, on m'a dit qu'elle allait peut-être venir avec d'ailleurs. Je suis très déçue, pas là. Qui s'appelle comment ton chien? Spitz, un Spitz savane, ouais. Spitz. À Toy. Ah, ok. Ça aurait été bien qu'il ait pissé sur le siège de Fredo. En revanche, Fredo, c'est pas passant. Hein. Le tatouage est. Est fake. Et pourquoi t'as pas fait le vrai? Oh, parce que je veux pas me faire chier, vas-y toi. Ah, bah, elle a raison. Ouais. C'est dire que... À vrai dire, c'est pour moi, c'est qu'un petit abs de temps, là. Je m'amuse, ouais. je rigole, mais tout voilà, ça. Non, donc, elle les seins, ils vont rester, là. Je veux pas non plus. Oh, peut-être qu'un jour, je les retirerai. Peut-être qu'elle va les enlever. Quand j'ai fait mes seins, je voulais pas les faire au début. Ouais, c'était. C'est ton mec? À vrai dire, j'avais. Non, mais c'est du faux, là, pas... ça. Oui, oui. Ouais, bah, ouais. Ça se voit. Vous avez pas le poitrage. À vrai dire, j'avais une forte poitrine d'origine qui tombait. Ah, d'accord. Quand je faisais des vergetures, donc j'ai voulu remonter la poitrine. Ils sont très beaux, mes seins. Et j'ai désisté trois fois. Ah ouais, je voulais pas le faire, et c'est mon copain qui m'a motivé. Ah bah tu m'étonnes. Finalement, oui, mais vas-y, mais je paye. Et tu vas voir, on t'écrira des trucs dessus un jour. Vous les verrez après, pour l'instant, on discute. Combien de tailles de poitrine là? Ah là c'est un 95, on va dire 90F même. Ouais. Ah oui quand même, ah, alors très du bien. F. Et on peut jouer au bowling avec si vous voulez. Et t'aimerais les enlever après? Après ce passage, ouais, pas non, je pense que plus tard, oui, je les garderai parce pas. Que, là, pour moi, c'est pour moi. Ouais, je les garde. Je vais garde, pas les garder. Parce que. Non, j'aurais voulu donner. Non, mais pas, parce que si tu veux, Emilie, reprend en seconde main. Ah, non, mais je pourrais pas, moi, avoir. C'est pas toi, je trouve sur toi, ça va bien. Je vais te faire peser. Prends ta main, tu vas voir. C'est quand même pas mal. Ta première relation homosexuelle, Emilie. Attends, c'est pas mal fait, dis donc. Ouais. Non, mais arrête. J'ai l'habitude, j'ai pas touché le nez. Elle est là pour deux heures. Mika, il veut faire ça. Je pensais que ça allait être vraiment en mode. Mon dieu, Mika. Avec la tête. Non, ça va, on se calme. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Toi, j'ai la cicatrice autour, donc j'ai masqué. Mais attends, tes tétons, ils ont une drôle de couleur. J'observe. C'est normal, parce que là, je les maquillée. Ah, tu les maquilles. Je peux mieux les lécher, comme ça, j'ai du rouge à lèvres en même temps. Ah oui, c'est plus pratique comme ça. C'est pratique. Mika, la tétée aussi direct. C'est maquillage, sauce barbecue. On peut jouer au ping-pong. Vous savez qu'il y a des prothèses, il y a des femmes qui mettent des prothèses, ça fait des obus, ça bouge pas. C'est pas beau, c'est pas neutre. Non, mais c'est ça que je veux dire. En plus, regarde. Mais viens voir. Allez, viens, attends, mets la tête. Viens, Siri, je nous le tâte. Tu mets un petit peu de lait. Ah, le lait, c'est magique, hein, parfait. Non, Mika, il en a déjà. Le lait, il déteste. Ah, c'est bon ça. Le casque, hein, fais gaffe aussi, ça coûte cher, ça, c'est bordel. Voilà. Non, ouais, bah, c'est pas grave. Ils sont très bien, franchement, ils sont bien faits. Ah, t'as fait la cicatrice en encre. Non, c'est-à-dire j'ai subi lift de la poitrine parce que j'ai fait une légère laptose. Wow. D'accord. Donc j'ai fait remonter. Tu peux expliquer pour les auditeurs. Donc c'est-à-dire j'avais déjà une forte poitrine d'origine. Donc quand je suis allée voir le chirurgien, je voulais simplement les faire remonter. D'accord. Et il m'a expliqué avec tout ce qu'il y avait, donc il y avait du boulot. C'est sûr, c'est équivalent. C'est difficile de te regarder dans les yeux. Même attends, si excusez-moi, mais le corps depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est dans un état. Il peut chanter au soleil, il direct. Bouillonne, mon pote. Mais la console bouge là. Elle est pas bien, il y a. C'est ça. Je tiens à signaler aux auditeurs qu'on a donc ces seins qui nous narguent en plein visage. Donc là, Mika, tu l'es sur ses mains. Droit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu me masses les seins. Ton mec, il va pas le. C'est trop bon. Ton mec, il est pas jaloux. Il va avoir mal au dos alors. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle ta meuf qui est encore un, ce que je fais. Ouais, je t'embrasse, je t'aime. T'en as pas mis assez, je crois. Ah, ouais. Ah bah non, ok. Ah bah d'accord. Ouais, il faut mettre plus, hein, tant qu'à faire. Hein. Tu peux retirer ton t-shirt, ce serait peut-être un peu plus mieux pour moi. Non, mais tout à l'heure, j'aurais pas l'impression de. On se calme. Voilà, tu retires ton t-shirt. Non, mais Pamela, tout à l'heure, il a dit qu'il ressemblait à David Charvet. Est-ce que tu trouves que c'est. Oui, mais retire ta cagoule. Ah, non, c'est une capote. Ah, il est pas coiffé là. Capote usagé. Non, il a une tonsure. Bon, on y va ou pas là? Ouais, c'est ça le t-shirt comme la braise là. Et ton t-shirt? Ah, oui, allez, le t-shirt. On déballe. Bon, allez, on se met. T'es blanc. Ah, mais t'es blanc. Mais non, mais on dirait un adolescent qui va avoir son premier rapport. Non, mais c'est son mec. Il y a son mec derrière. Non, mais t'inquiète. Le boxeur qu'il a de 1970, hein, faut le savoir. D'abord, je vais mettre l'ambiance. Ton copain, il a mis le pied pour pas que je ferme la porte. Ah oui, c'est normal. En même temps, le corps. Oui, non, il regarde comme ça. Cécile, en même temps, tu peux fermer la porte, il suffit qu'il souffle dessus, elle tombe. Attends, c'est pas fini. Vu comment il est baraque. Il a éjaculateur précoce. Non, c'est beau comme ça. Je peux quitter les lieux. Bien, non, là. Vas-y, maintenant. C'est énorme. Allez. Non, mec, là, je me dis, ça démarre comme ça, les vannes, ça va aller très loin. Voilà. Mais c'est bien foutu, putain. T'as vu, ouais, content. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ça paraît vrai? Oui, par rapport à ta femme. Le plus beau, tu veux que je te. Oui. C'est pareil. Ta femme, c'est. Allez, où t'es? Bah, là. Derrière la télé. Non, je vais te dire, le truc qui est le plus beau et qui est très bien fait, c'est ça. C'est quoi? Oui. C'est ça, c'est là. Ici, ah oui, t'aimes bien, toi, le galbe. Ah, le dessous. Et là aussi, c'est pas mal. Et si tu regardes par là, c'est quand même pas mal aussi. C'est bien foutu. Hein. Voilà. Bon, bah alors, moi je me déguise en toi. Et toi, tu mets mon bikini. Ah non, oui, non, oui. Non, elle va pas tout en mettre. Mais non, mais je suis pas. Mais non, je tiens là. Mais si, on voit rien. Je suis pas bien là, les enfants. Attendez, regarde la chose, on voit rien. Les filles, pareil. C'est chaud, ça partit en couille. Je suis pas bien, les enfants. Non, mais le vraiment, Mika. Non, elle a pété tout. Prout, prout, je fais des petits pécoireux de temps en temps, mais ça va. Pam, par contre, tu es pudique ou pas? Je suis pudique quand je suis toute seule, mais quand il y a mon chéri à côté, ça va, je me sens rassurée. Non, là, t'es bien, là. Fais attention parce qu'il risque de te péter le maillot. Ah oui, c'est attention, il est unique. Vas-y doucement. Tu peux pas retirer ton pantalon? Mais oui, j'en ai perdu. Non, moi, je trouve le corps, ça serait. Le corps, ça serait très bon. Qu'est-ce que tu penses de ma foufoune? C'est surréaliste. Par contre, on va changer la chaise après, parce que là, tu sais, t'es trop cool. Ah ouais, non, mais il est bien là, Mika, quand même. Il a la tenue Baywatch. Prends la bouée, tu cours tout autour du plateau. On peut pas mettre la musique. Ouais, la musique. C'est trop cool. Oh, mais Mika, on dirait José du 7-7. Par contre, c'est un peu gênant, mais je comprendrais pas une femme parce que t'as les parties qui sont très écrasées. Ouais, elles sont sur le côté là. Vas-y, tourne dans les pommes et Pamela vient te sauver. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. Allez, celle A. Un petit sexe, step. Action, vas-y. Bah attends. Oui. Ah oui, tu te noies dans un. Ouais. Mais... Enlève le bonnet, Pamela. Ah, il est où? Sur ma tête. Ah, je suis blonde. Il est où le bonnet sur ma tête? Vas-y, monte de court. T'es pas vraiment blonde. Il court. Il va dans l'eau. L'acteur studio. Tu sais comment je fais pour réanimer? Mon dieu, je suis mort là. Tu sais comment je fais pour réanimer? Quoi? Je souffle avec mon cou. Donc là, il s'est assis sur sa gueule. Hein. Oh, mais c'est énorme. Ça va pas Ça a changé, hein, depuis la dernière fois. La dernière génération, on est en 2010, bientôt en 2011. C'est pas possible. Je suis sûre que j'ai tellement soufflé dedans que quand j'ai baillé, ça fait un courant d'air. Non, mais c'est pas possible. Eh, ben ça va, mais t'as réussi parce que regarde, Mickaël, il nous veut réveiller là. Ah, ah, alors que t'étais tombé dans les pommes, c'est pas mal. Bien. Par contre, j'espère que je t'ai pas mis trop de crème et que ça va aller pour ce soir. J'espère que ça se passe pas comme ça quand on nous sauve la vie en mer. Ah oui, il faut faire une photo. Attends, on fait une photo évidemment avec la petite chérie. Mais ça vient, on met ça, mes chéris. Poil comme ça. Voilà. Eh, Mika, il est au top, hein. Oh ben là, je suis bien. Hein. Oh, bah là, Pierre, il est content, là, regarde-le. Ah oui, prends ça, une photo directement, là. Ah, donc. Moi, bizarrement, je prends derrière. Ah, mais c'est fou, c'est fou. Magnifique. Est-ce que tu peux faire tomber ta bouée? Ah, alors, en vrai, c'est pas une bouée, c'est un suppositoire géant. Ah, c'est énorme. Bah, putain, pour le rentrer. Ah. Et dis-moi, pour parler, parce que c'est finalement, il faut en parler aussi. Ça t'a fait gagner de l'oseille d'être Pamela Anderson, le sosie de Pamela Anderson? Ouais. Oui, c'est sûr. C'est vrai? C'est pour ça, donc c'est pour ça que je continue à le faire. Sinon, il y a déjà depuis pas mal de temps. Mais alors, qui paye? C'est les chaînes? C'est quand j'ai tu un agent maintenant. J'ai un agent, ouais, qui m'a repéré grâce à Koé, chez Koé. C'est pas vrai. Voilà. Donc, au début, je croyais que c'était une blague. Et ensuite, après, il y a le producteur d'Alizé et de Mylène Farmer, ouais, qui m'a contacté, qui m'a fait faire un single. Ah, t'as fait un single? Donc, si vous ah, voulez énorme. L'écouter. Alors, qui s'appelle comment? Le problème, c'est qu'on n'a pas de lecteur CD. Mais... Oui, ah, tu veux pas. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas de lecteur CD. Non, c'est pas vrai. Ah, bah, hey, mais oh, bon. Merde, tu m'as giclé sur le menton. C'est que de la machine. Oh, non, c'est excuse-moi. Oh merde, j'ai très froid. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit ça, bébé? C'est quand même. Je vous envoie cette belle photo là. Bah attends, mais t'as qu'à demander à Émilie de nettoyer. Si on mettait une fille un peu les seins à l'air, elle voudrait? Bien sûr. Non. Avec quoi? Non, elle voudrait pas, elles sont pas comme ça. J'aimerais bien revoir des vrais seins. Mais en tout cas, je respecte franchement que tu sois pas pudique pour le coup, quoi. Bon, il y a ton chéri aussi, tu te sens bien et tout, mais on va pas lâcher, mon tessin direct, je te dis. C'est clair, direct. À vrai dire, c'est pour ouais. Émilie, cela dit, on a toujours les seins du Corse. Ah oui, les seins du Corse. De quoi? Non, le sein et le sein. Oui, moi. Le Corse, le sein qui pointe. Tu tires ou par tu pointes? Par contre, t'as le téton qui dépasse, ça me gêne un petit peu. Okay. C'est pas grave, parce qu'il a envie de dire coucou un peu de temps en temps, il prend l'air. Dans 10 ans, il va falloir que tu les refasses, non? Ça veut rien dire, c'est-à-dire ça maintenant avec les prothèses qu'ils font, enfin ouais, y en a qui peuvent les garder 20 voire 25 ans aussi, mais il faut quand même contrôler. Parce que mais tu les as fait il y a combien de temps, pardon, parce que j'ai pas. Oh, il y a 4 ans, ouais, 4 ans. 4 ans, mais tu quand même, mais comme tu sais pas si tu vas les garder oui, moi, au je final pense longtemps. Quoi, oui, non, c'est simplement. T'as des enfants? Non, j'en veux pas, c'est chiant. Bah, ah, c'est vrai. Moi, je préfère les animaux. Mais t'as fait beaucoup d'autres trucs pour lui ressembler. M'en parle pas. Pam, t'as fait beaucoup d'autres trucs, t'as fait d'autres chirurgies pour ressembler à Pamela Anderson. C'est-à-dire, non, enfin, le visage, non, c'est plus de l'entretien, tu sais, des injections à l'acide hyaluronique naturel. Ah oui, le botox, tiens. Le botox, non, je veux pas, je suis contre le botox. Acide hyaluronique aussi. Le nez, on fait, non? Non, le nez, non, naturel. Bah, très joli. Ah non. Oh, merci. Pourtant, j'avais un complexe, genre, Bertarin. Non, j'avais par contre, je suis contre après tout ce qui est lifting, c'est qu'il se fait tirer la peau. Ah oui, que ça tire, en plus, je veux que ça reste quand même naturel, voilà, ouais. Je veux pas non plus, toi, j'ai pas voulu faire le vrai tatouage. Pourtant, on voulait me payer énormément cher pour le faire et le filmer. Ah, ils voulaient te payer pour le faire? Oui, pour ça, c'est exceptionnel quand même, c'est d'habitude, c'est l'inverse. Mais t'as fait la doublure, donc corps de Pamela Anderson, voilà, pour quel film ou une série ou juste des photos? Aussi pour Koé, pour des sketchs. Ah, d'accord. Voilà, et donc, non, pas aussi. Il y a eu quelques photos aussi qui a été mises sur internet. Ok. Toutefois, j'en ai même pas vu la couleur, mais par contre, c'est la petite vidéo, les sketchs, oui, j'ai récupéré. Et c'est quoi que tu refuserais vraiment de faire? On dirait, fais ça, genre un film de cul ou quoi, en mode Pamela et tout. Alors là, non, ouais. Je suis avec quelqu'un depuis 11 ans, tu vois. Je fais peut-être, toi, je dévoile mon corps. Non, et mais tout c'est ça, non, je non, mais carrément, mais. Mais si tu m'amuserais pas, toi, les. Je sais ce que je fais, je vous raconte tout. Donc ça s'arrête là, il y a des limites. Ouais, par contre, ça, je ne me mettrai pas. Tiens, vas-y, mets-toi à poil, que je te. Oui, c'est du. La provocation, tu la pousses jusqu'à quel point? Jusqu'à temps, si ça va beaucoup, beaucoup trop loin, par contre, après, il y a des limites, hein. De toute façon, le Corse, t'inquiète pas, de toute façon, même si à un moment ou à l'autre, elle s'égare, il y a toujours monsieur qui est derrière la vitre. Bien sûr. Il est là pour gérer le bordel. Je voulais dire, quand t'es invité dans les plateaux télé ou dans les radios, jusqu'à quel point tu pousses le vice, je veux dire, jusqu'à quel point tu. Oh, c'est chiant ta question, le Corse. À ce moment-là, est-ce que tu as ressenti un vide intérieur? Bah, t'as gagné, en fait, on m'appelle pas, à vrai dire, je m'en fous, mais si. Ça y est, tu l'as dit 15 fois là. De faire une petite connerie, un petit délire, même pas obligé des fois me montrer toute nue, mais m'amuser, jouer aussi avec, voilà, ma poitrine, même des fois me casser. J'aime bien aussi, parce que c'est vrai, je vais pas me sentir la fille la plus belle du monde, tout ça. Je vais pas non plus me la jouer, me la péter, je m'en fous. Je suis telle que je suis. Mais chante, moi je te trouve, t'es cool et tout, t'es... Tu te prends pas la tête, ouais. Et non, comme je dis, pas la fille. On est comme on est. Les personnes, elles veulent, elles sont contre la chirurgie, je vais pas les critiquer, ouais, je les écoute. Personne, je ne juge pas. Il y en a qui ont du poids, qui ont 10 kilos, qui sont là, qui sont mal dans leur peau. Au contraire, même des fois, je leur donne des conseils. J'écoute, tu es bien comme tu es, c'est tout. Tu es jolie, t'as un chéri, t'as quelqu'un dans ta vie, t'es pas toute seule, et alors, c'est ça. Mais c'est un personnage vraiment que tu joues, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que t'arrives vraiment à retrouver la Elisabeth que t'as toujours été? Ah, tous les jours. Ah oui, la semaine, c'est moi-même, j'ai mes petites lunettes rectangulaires, j'ai mon petit chignon, je suis habillée en legging, pull, col roulé. Et enlève ses seins aussi. La défense, donc, enfin, tout. Pas, ouais. Ouais, mais c'est vrai que quand on me contacte, je dois jouer à un jeu, on me dit, tiens, à tel endroit, à tel jour, je dois aller une émission. Là, par contre, là, je joue ouais, un petit peu. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, ouais, tes familles, amis, tout ça? Il y en a qui, fatalement, qui voient la différence. J'ai perdu ma maman aussi, et puis ma nourrice d'un cancer du sein. Donc, d'un côté, ce qui s'est passé aussi, du cancer du sein. Donc, pour moi, ça m'a poussé un peu plus aussi, voilà, à dévoiler un peu plus ma poitrine. Parce que maintenant, on parle beaucoup, tu sais, il y a des émissions, là, les femmes qui, les stars qui montrent beaucoup leur poitrine. Fait, donc d'un côté pour moi ça tombe bien à ces moments-là quoi, c'est cool aussi quoi, c'est sympa quoi, voilà. D'accord, c'est mais... pour montrer aussi, c'est-à-dire même s'il y en a qui ont des cancers du sein, ils ont des prothèses, il y en a qui disent peut-être que les prothèses peuvent aussi accentuer le cancer du sein. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais après je sais pas exactement. Non, à vrai dire, grand spécialiste c'est là-dedans. Tout, ouais, tu Non, c'est bien, tu manges plus chez McDo et tu fumes plus de cigarettes et tu te drogues plus quoi. Tu rigoles, toi, je mange chez McDo, moi je mange des Kinder Bueno. C'est mes trucs préférés, les Kinder Bueno. Non, mais tu fais beaucoup de sport pour. Parce que avant, j'en faisais beaucoup, tu sais, même à certains moments, j'avais des photos. J'ai des photos sur mon Facebook. Comment j'étais avant. J'ai même utilisé des stéroïdes anabolisants, ouais. Ah j'étais une ancienne Miss Fitness. Ah oui, et c'est mon fond, ami, hein. Depuis que je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a fait. Voilà, qui faisait c'est ton prince charmant, ce mec-là. C'est lui qui m'a fait tout arrêter. C'est lui qui m'a fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que je prenais des produits qui étaient quand même assez dangereux, hein, des injections que je mais me faisais. Enfin, c'était genre caisse. Mais t'as fondu du coup. Ouais. J'ai perdu tous les. Ah bah, elle a dit qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Ouais. J'avais des épaules, le dos, les cuisses striées, des mollets. Oh, c'est ouf. Putain, c'est fou quand même. Et maintenant, quand je me vois comme ça par rapport aux photos avant, je me dis c'est pas possible. Mais t'as l'air d'être encore d'homme, quoi. Ouais. T'aurais pu avoir des vergetures. J'ai eu au niveau de la poitrine, c'est pour ça, énormément, partie, énormément. Et sur les côtés aussi, ouais. Ah oui. Non, mais ça se voit pas. T'es maquillée, je les ai pas maquillée, sentis. Non, c'est. Non, mais t'as la chance. T'as une peau flexible, quoi. Ah ouais, et la flexible. C'est comme Cécile, c'était une ancienne grosse. C'est ça. Cécile, c'était une. Bon, alors. Non, mais c'est pas vrai. Et alors, quel est le programme de la suite? Parce qu'il y a une tête qui est passée filmée, donc c'est pourquoi ça, concrètement? Alors c'est pour une émission, quelque chose de encore qui va être grandiose. Demain on a quelque chose de prévu, ça va être super, mais je veux pas trop. Comme un petit truc. Allez, interdit petit sera la surprise. De toute façon vous verrez. Un petit, je sais bien. C'est suspense. Bon, ouais, ça passe quand? Alors là, en janvier je crois, c'est ça, ouais. En janvier, c'est ça. Très bien. Bon, bah, parfait. Voilà. Mais t'as tout balancé, janvier, la Pamela. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas censé être là? Ah oui, arrêtez, bah oui, mais si on me prévient, on me donne pas toutes les infos. Pourquoi vous me mettez un couteau sous la gorge? Mais on me donne pas toutes les infos. C'est ça. Non, rassurez-vous, ils sont pas là. D'ailleurs, il y a personne. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Il y a même pas Pamela. Exactement. En fait, c'était sur la crise, c'était Émilie. Non, on peut pas dire ça. Je pensais arriver, puis vous étiez tous en bikini, ou alors habillés en rouge, ou alors un petit délire, les perruques. Bah non, mais on attendait le chien. Du coup, il y avait le Corse qui allait faire le petit chien aussi. C'est la fête, tu sais, c'est danser, s'éclater. Je pensais faire la fête vu qu'il est tard ce soir. Je sais pas, même pas de champagne, il y a même pas de gâteau. Chocolat. Il n'y a même pas des petits trucs à manger. Ah non, mais tu sais qu'on a rien. Ah, mais non, c'est mais pas vrai. On c'est a la dèche. Non, mais t'as déjà vu où on est? Il n'y a rien là. C'est galère. Melon, il y a me pas lèche de... loue un appartement. Melon l'achète et me lèche la bite. Elle est bonne, cette fille. J'adore les melons et me lèche. Elle pourra faire le Corsica chaud. Elle pourrait. C'est vrai que Cécile avait posé une question. Quel âge t'as en fait, si tu veux le dire? Je veux pas trop, ouais, c'est vrai, mais 38 quoi. 30, ça va. J'allais dire 36. Moi, 35, 38. Ouais. Ah. Bon, en tout cas, merci à toi d'être passé, Pam, et Elisabeth aussi, hein, si on se voit derrière, ce sera Elisabeth. Et je peux donner mon Facebook? Bah, vas-y, bien sûr. C'est Pamela-show, encore plus loin, Pamela. Pamela-show, Pamela. D'accord, donc un seul tiret. Voilà, tout le monde pourra voir après, elle saura plus tard quand il y aura la... Bah, vous allez sur le groupe Facebook de Pamela, donc. Voilà. Et puis, bah, bonne chance pour la suite. C'est et puis, gentil, bah, on te revoit bientôt à la télé, alors. Vous êtes adorables. C'est gentil. Allez, ciao. Allez, ciao. Et pour le coup, Mika est content, il a passé une bonne soirée. Ouais, mais Mika, quand même. Là, c'était ta soirée, quoi. Il est pas venu pour rien, hein. Bah, c'est mes deux jours, là. Il est même plutôt content. Ouais, mais au début, il faisait les timides. Ouais, au début, un petit peu. Mais non, il est gentil. On se réserve, mais je veux pas se toucher les seins. Et puis, vas-y, ça y va. Racontez-moi ce qui s'est passé avec Virginie. Avec Virginie, non, mais rien. En fait. Tu sais que je me souviens même plus de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle était venue, je me souviens, j'étais là, et puis je lui ai posé une question par ah oui, c'était non, par rapport à sa. Non, c'est faux ça. Non. En fait, tu lui as juste parlé, et c'est pour ça qu'elle s'est vénère de porno en fait. Non, non pas de porno, pas de porno. Non, alors je lui avais posé la question sur Jonathan de Secret Story, et là elle s'est énervée, elle a dit ah ben non, de toute façon, si je devais dire quelque chose, je le dirais certainement. En fait, elle a pris la radio de haut. Alors effectivement, Goom Radio, c'est une jeune radio, ça diffuse sur Internet, etc. La première fois où elle a pris la radio de haut, je dis vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, laisse pisser. Et puis la deuxième fois où là, de toute façon, si j'avais un truc à dire, je viendrais certainement pas dire ici. Bah, prends tes affaires et casse-toi. Alors c'est là que je lui ai dit de dégager en fait. Oui, mais vous l'avez quand même traité avant. Je ne l'ai jamais traité. Jamais hein, vie, parce non. Que elle a c'est dit. C'est une grosse menteuse. Ouais, elle a dit derrière que. Elle a dit derrière qu'on l'avait dit. Ouais, elle arrive à quelle heure la nuit, etc. Ce qui est faux. Je n'ai jamais dit ça. Attends, non, je suis d'ailleurs un des seuls animateurs radio qui ne demande jamais quand on reçoit des actrices de cul, et Dieu sait que ça arrive souvent, de se mettre à poil, de faire des trucs dégueulasses, etc. Parce que quand je reçois des acteurs ou des actrices porno, je les reçois au même titre que des acteurs entre guillemets normaux ou des chanteurs, etc. Non mais si la meuf veut faire un show, elle fait son show. Mais tu vois, je lui demande pas. Donc pour le coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a pété une durite quoi. Mais voilà, si après elle veut revenir en parler, mais la porte est ouverte. Bah oui, elle est adorable. Il n'y a pas de problème. Elle peut s'armer très vite aussi. Hein. Il y a pas. D'ailleurs, la preuve, regarde, avec toi, je déconne. Et puis d'ici non, là, elle aura peut-être à préviser pour le moi, coup. Moi, tu sais, je la côtoie un peu, tout ça, donc je la trouve vraiment. En vrai, faut la connaître, quoi. Allez, bah oui, mais moi, j'ai pas demandé mieux. Je pense qu'elle était vénère avant d'arriver. Vraiment, elle était peut-être de mauvais poil. Mais elle s'est sentie agressée alors que pas du tout. Bah oui, c'est ça, on était ouvert. On lui a parlé un peu de sa carrière dans les films de cul, et elle a super mal pris qu'on parle de Clara Morgan alors qu'on faisait une comparaison, mais. C'est normal quoi, deux actrices porno et deux ex en l'occurrence, ouais, deux ex en plus de ça, et du puis, coup elle je veux dire deux de mes ex. Il en a combien de meufs? T'es coquin toi, même avec cette coupe de cheveux. C'est grâce à la coupe de cheveux qu'il arrive à faire ça. Alors que je ressemble à rien, un champignon. Alors que j'ai une tête de merde et pourtant j'arrive à te faire ça. Comment elle s'appelle aujourd'hui ta copine? Te trompe pas, elle t'écoute. Je peux pas le dire. Oh, Thérèse. Il s'en souvient même pas. Je parlais qu'il a rencontré pour qu'il était bourré. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Thérèse. C'est la grosse Lulu. Alors, on n'est pas à l'abri que ce soit ça, effectivement. Ouais. Bon, mais voilà pour l'explication. Donc, Pam, merci à toi d'être venu. Tu reviens quand tu veux. D'accord. À bientôt. Ciao. Salut, Pam. Et puis, restez là. On va revenir dans un petit instant avec Breaking Benjamin. Ce sera le côté rock. Et puis, on se met un petit peu de pub et on revient juste après. Bougez pas. Voilà le son de Breaking Benjamin à l'instant avec Until the End. On m'avait demandé ça tout à l'heure en début ou en milieu d'émission. Je sais plus. Donc voilà. Bah, écoute, ça faisait plaisir. Un petit Breaking Benjamin à l'instant. On va filer des places. Ouais, pas de Corsica ce soir. On n'aura pas le temps. Donc, bon, c'est pas grave en même temps, hein. Non, ben on se retrouvera demain. Oui, voilà. Non, mais c'est bien parce que quand il y a pas de Corsica chaud, du coup, tu sais, on peut peut-être se dire ah ben peut-être vivement demain, tu c'est vois. C'est vrai. Ça va peut-être un peu manquer. Surtout que tu tises bien sur le Corsica chaud, du coup, on a très envie de retrouver le Corse demain. Ah bah dis donc. Je fais ça pour combler le temps. Il reste combien de temps? D'accord, 3 minutes. Non, mais ça va, on a un peu de temps. On va prendre comment il s'appelle? Anthony. Anthony. Allô, Anthony. Allô. Comment ça va? Bien, vous. Bah oui, on va bien aussi, Anthony, hein, tranquille. Bon alors, Anthony, tu nous avais, tu t'étais inscrit en fait pour choper des places pour le concert de Soprano. Eh ben, on va te filer des places pour Soprano, donc hein, tu vas pouvoir aller le voir en concert et hop là, tout va être à la cool. Enfin, du moins j'espère pour toi évidemment. Bah écoute, je t'en prie avec plaisir, Anthony, aucun problème. Et on dit au revoir à Pamela aussi, hein, qui sort. Ah non, elle est Elisabeth là maintenant. Elle s'est changée. Elisabeth, ouais. Ouais. Maintenant c'est Elisabeth, salut, effectivement. Elisabeth. Ouais. Salut Elisabeth. On mettra les photos aussi, hein, sur le groupe Facebook, bien sûr, hein. Moi j'en ai déjà mis une petite délicieuse. Ou quoi, quand elle pète sur le. Enfin, non, quand elle pète, quand elle s'assoit sur. Un duo Mika et elle, une d'accord. Pose tout à fait charmante, on se croit okay. À Malibu. Bah très bien, on fera ça donc c'est sur le site. Et donc Anthony, amuse-toi bien donc au concert de Soprano, et puis tu restes là, on va te repasser au standard chez Vincent, donc voilà. Bon bah très bien Pierre, dis donc, pas trop déçu de pas avoir pu toucher? Bah non, mais tu sais, moi je suis marié maintenant, c'est fini. Hein. Oh, genre. Ouais. Je me suis bien amusé quand j'étais jeune. Et pas trop déçu qu'au final ça se soit bien passé, que ça avait pas fini en drame. Bah non, mais très bien, c'était pas. Mais parce qu'il a capté que là c'était pas des bouteilles et que c'est une bouée qu'on se prenait dans la gueule. C'est de la joke, donc c'est cool, tu vois. Ça reste bon enfant et tout, on se marre, elle est cool, elle répond très simple. Très simple. Très nature, très simple. Au final, elle a raison, quoi, tu vois. Elle est dans un bon délire, donc. Non, mais c'est vrai, c'était plutôt sympa. On vous dira d'ailleurs quand ça passera, parce qu'ils sont venus filmer pour la télé, donc comme ça vous allez pouvoir voir peut-être un moment d'ailleurs quand elle a tiré sur le mini décolleté d'Emily, peut-être que vous verrez quelque chose en exclu total à la télé. Il y avait mon téton qui était prêt à surgir. Je suis très mal à l'aise que cette scène ait existé. Non mais t'inquiète, il y avait rien du tout. Non mais jure, t'as pas de sein, je veux dire. Ah ok. D'accord. Le type pour te réconforter, te casse encore plus. Quoi. Ouais. De ce côté-là, t'es tranquille. Il y a pas de souci. Bon, bah passez une bonne nuit, tout le monde. On se retrouve donc demain. Bonne nuit les petits. On ciao. On se retrouve demain donc à partir de 20. Oh, t'as mis le drapeau anglais en fond d'écran. C'est mais très, oui. Très dur. Bah, je t'avais mis t'es à toi, mais. Je t'avais mis à toi, Mickaël. Mais comme quand on fait l'émission ensemble, je l'enlève vite. Ouais, bah t'as eu raison. Tu m'engueules. Non, mais t'as eu raison. Je t'aime. Allez, passez une bonne nuit. On se quitte avec Sopra justement. C'est Hiro. Ciao. Bisous. Good radio, good radio. Yeah.